Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo. Bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Oh, je suis devenu je gère un manège. Bonjour, bonsoir. C'est présente Interville pour ouais, moi. C'est ça. Alors un manège pas dans les années 2000 quoi. Non, bah, bonjour, bonsoir, un projet. Oui, alors. Longtemps que je peux aller faire des manèges. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau... Tu n'as pas un enfant ? C'est vrai que j'ai un enfant depuis quelques temps. Elle merci de l'avoir notifié, elle est un peu petite. Non. Le bébé quoi. Ouais, elle a peur. Hein. Elle marche, bébé. Elle peut faire un manège. Bah, ma meuf a essayé de l'emmener dans un manège. Elle et vraiment, il y a eu l'excitation et le truc a mis à tourner. Elle fait oh mon dieu, mais non, mais pas du tout, qu'est-ce que vous faites ? Ça s'appelle la vie en fait. Bah, c'est ce que j'essaie de lui expliquer, mais elle c'est comprend rien du ce tout. Que tu dis. Je suis Florent Bernard, comme à l'accoutumée, je suis avec Adrien Méniel. Et comme à l'accoutumée, nous sommes avec deux invités. La première, elle est humoriste, autrice, chroniqueuse. Vous l'avez peut-être entendu sur France Inter ou dans son podcast, Les gens qui doutent. Son spectacle Bon anniversaire Jean est dispo sur MyCanal. Elle vient aussi de sortir un livre intitulé Bien sûr que les poissons ont froid. Elle a tellement de casquettes qu'on la prend pour une boutique Watibi. C'est Fanny Ruel. Oh là là. Froid de la punch, bonjour. Là, tu Fanny. Sais que ChatGPT, il ne te rend pas la strapote, tu vois. C'est un truc comme ça, il la l'homme, sort pas. Ça, c'est encore l'homme qui est derrière ça. Ouais. Notre autre invité, alors la dernière fois que l'on l'avait reçu, il y avait une chanson italienne un peu gênante. Donc je me suis dit, je ne vais pas recommencer, puisque ce serait vraiment pathétique. Mon peuple a adoré. Bah ouais. Il faisait du podcast, c'est presque comme de la radio. Et Adriano, il va faire son numéro. Un spectacle d'humour, ça va être rigolo. Vous sans faire flipper, un potentiel fiasco. Mais non, ça va être super. Avec Étienne Laurette, rendez-vous le 30 juin. Ça va être une sacrée fête, il chie bien fort dans son ben. Il a un sketch sur les lunettes, c'est marrant les lunettes. Moi j'adore les lunettes, invité dans le podcast. Oui, c'est Antoine Piombino, fait un maximum de bruit. Oui, c'est Antoine Piombino, invité dans le podcast. Oui, c'est Antoine Piombino. Sur un album à la fin de l'année de toutes les chansons. J'ai envie de voir un biopic de cette chanson. Bah c'est, je suis trop content. C'est malheureusement moi seul à 22h. Et ben c'est très triste alors. C'est une tragédie. Le record de chansons me concernant d'affilée dans un flotcast. Je serais peut-être sur la page Wikipédia. Ah c'est trop bien. Ah merci beaucoup. Bravo. Bah, c'est Antoine Gambino en tout cas. Ah, je suis honoré. Bravo. Je suis honoré. La piombe. Voilà. La piombe bibi. Comme à l'accoutumée, on va faire le jeu du flotcast. Guillaume Pop, alors pas Guigui Pop, mais c'est vraiment un mec qui s'appelle Guillaume Pop. C'est fou ça. Ben oui, il s'appelle Guillaume Pop. Il s'est inventé un métier qui est devenu son activité principale depuis. Vraiment, il gagne sa vie avec ça. Je vous demande en quoi consiste son métier. C'est inventer un métier. C'est dans quel type ? Alors, on est dans le domaine de l'amusement. J'essaie d'être un peu large pour pas te donner tout de suite la réponse. Mais c'est est... un métier qui il gagne de l'argent. C'est ah ouais, pas il juste gagne vraiment. À la base, c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'interview chez nos amis du Parisien. Il disait que c'était pour la blague. Et en fait, le truc est devenu sérieux, a pris de l'ampleur. Et maintenant, vraiment, c'est son métier. Il dessine des trompe-l'œil à la craie sur des trottoirs. Non, du tout. Précis. Est-ce que c'est lié à la... ça implique de la tech ? Pas de la tech. On se rapproche de l'été, pensez vacances, pensez. Il loue quelque chose ? Il ne loue rien. Même pas ses services ? Est-ce Même qu'il pas. Fait des prestations ? Ah oui, non. Alors, ouais, enfin, c'est d'une certaine manière. Il teste des choses. Voilà, il chante sur la plage. Il est testeur de quelque teste chose. L'apéro. Il chante pas sur la plage. Il teste des cerfs-volants. Il ne teste pas des cerfs-volants, mais on s'approche. Ah, il teste des plages ? Alors, pas des plages, mais on s'approche encore plus. L'eau de la mer. Il dit non. Il va voir si elle est chaude, ouais. Non, on dit vraiment la elle est salée, celle-là. Ouais, non, non, c'est pas ça. C'est un rapport avec la plage. Pas avec la plage, mais l'eau. Check tes. Ah, l'eau. L'eau, l'été. Il vérifie que tes enfants ils se noient pas. Ben non, c'est déjà un métier. Mais il y a peut-être un gars qui a joué à l'inventer. Genre, peut-être faudrait un gars pour surveiller quand même. Tiens, là, tous nos enfants se noient. Intelligent. Faisant une chanson. Les piscines. Alors, c'est dans les piscines, mais c'est un truc particulier. Testeur de quoi dans les piscines ? Si on peut pisser dans la piscine. Il vérifie que ça se colorie. J'irai pisser dans vos piscines. Antoine de Maximi qui pète un câble. Et quoi ? Quoi ? J'ai dormi... que vous voulez pas que je dorme chez vous ? Je peux pas pisser dans la piscine. J'ai dormi partout, faut bien que je pisse quelque part. Il teste les toboggans de piscine. Très bonne réponse de Fanny. Testeur de toboggan aquatique, c'est le meilleur métier du monde, je m'éclate. Je refuse de croire que c'est vrai, par contre. Oui, c'est son métier. Moi, je veux consulter les fiches de paye. Vraiment, un mec qui se présente qui dit: vous voulez que je vous loue mes services de testeur de toboggan? Justement, on cherchait quelqu'un. Personne ne voulait le faire ici. Oui, allez. On sait pas comment ça marche, c'est quoi? Faut être debout? Non, non, c'est assis. Vous voyez, vous avez besoin de moi, heureusement. Alors, non. Je vous ai fait un devis, on est plutôt sur 850€ là pour le bleu. Non, mais c'est dans des vraies, c'est dans des piscines municipales. Voilà, ah, c'est oui, ça le truc. Oui, le jeune homme de 22 ans qui vit à Il a 22 ans, bon, allez, 22 bon. Ans qui vit à Vaux-le-Pénil, hein, près de Melun, est testeur de toboggan aquatique depuis 3 ans. Il le fait depuis qu'il a 19 ans, donc c'est vraiment un early. C'est un start-upper. C'est un start-upper, moi je pense que c'est ça. Et un slasher sûrement. Mais à la fin, il dit quoi? Il dit: bah, il est super celui-là. Il glisse bien, hein. Il glisse bien, hein, je me suis trop amusé. Bah ouais, je pense qu'il les classe, il les note, il compte les virages. C'est comme, c'est comme, comment ça s'appelle, pas Bison Futé. Non, pas du tout. Non, le guide du retard. Le guide du retard, ouais, voilà, c'est ça. Il doit te dire la Lonely Planet. Ouais, c'est ça. Si tu veux le meilleur toboggan, faut aller plutôt dans le Vaucluse ou des choses comme ça. Et c'est pas les parcs aquatiques, c'est que les. C'est tout. Écoute, l'article ne le dit pas, mais non, je crois que c'est de la. Oui, je pense que si, parce que si même s'il commence à se limiter sur un métier aussi déjà de niche, je pense que c'est un peu. Ah, mais attends, il c'est genre un youtubeur ou un blogueur, et c'est comme ça. Alors, il fait ça sur TikTok tester. Également. Ah, oui. Ah, c'est un influenceur toboggan. Il a, c'est ça. Oui, il a plus de 500 000 followers sur TikTok. Le toboggang, les appels. Oui, non, t'as raison, pardon. Il s'occupe aussi de parcs aquatiques, effectivement. Bien sûr, mais là, est-ce que t'as lu l'article? Non, jamais, moi. Je lis les titres. Moi, c'est les titres qui donnent envie après l'article. Ouais, je vérifie. Il est allé à rouler un tika en Allemagne. Non, mais toi, t'as fait, toi, récemment, là. Ouais. J'ai été malade pendant 2 semaines après, c'était cool. Mais bah, à cause de l'eau, à cause de l'état. C'est rien, c'est peut-être le train en vrai, mais vraiment. Mais t'as kiffé le parc aquatique? Ouais, je pensais que j'allais détester. Bon, ouais, après, il faut s'enlever de la tête que t'es clairement en train de te baigner dans des germes et de la pisse d'enfant, mais. D'enfant. Mais sinon, c'était cool. Tout oui, d'enfant, suite. Entre autres. Mais sinon, c'était bien, ouais. J'ai bien aimé. En tout cas, Guillaume Pop, il dit: je n'ai pas passé de diplôme ou de formation. Vous serez quand même surpris de l'apprendre. Oui. Ah ouais, il est autodidacte. Oh, hein. Il a un passe-droit, c'est pas possible. Je vérifie si le toboggan est bien glissant. Attends, c'est un talent inné qu'il a de faire du toboggan. Je crois qu'il était pistonné. Ouais, je pense, ouais. La phrase me fait beaucoup rire. Son père, il est directeur de piscine, au moins, c'est pas possible. Son père a inventé l'aqua boulevard. Donc, je vérifie si le toboggan est bien glissant et s'il va vite. Surprise, ça, quand même. Les gens doivent passer un bon moment et s'amuser. J'analyse toutes les jointures qui doivent être bien lisses, car quand les compartiments de la surface plane se décalent, oui, ça fait mal au dos. Bah ouais, non, mais voilà. Et c'est là que tu comprends que c'est un vrai métier. Il te sauve des vies, peut-être. Après, un autre truc, un vrai métier, c'est fabricant de toboggan qui devrait éviter ça, en fait. Il analyse même, dites-vous qu'il analyse même la boulonnerie. S'il y en a un de plus de 8 mm d'épaisseur, alors là, il fait fermer le toboggan. Il a dit je l'arrête. Pour moi, je le fais supprimer. Il a aucun pouvoir. Il a du pouvoir. Il a pouvoir. Il a 22 ans, il va voir le mec, vous me le fermez là. Casse-toi. 500 000 sur TikTok, je pense qu'il fait fermer la piscine. Si ouais, t'inquiète, pas, t'inquiète pas. Il cancel des toboggans, le mec. Bah, moi, à mon époque, les toboggans, on se pétait le dos dessus. C'était quand même autre chose, hein, on savait rigoler. Mais bon, on avait même les petits en verre, là, on s'en fichait, on avait pas besoin des trucs de piscine. Un employé du Auchan de Louvroye a été viré sans ménagement. À votre avis, pour quel motif? Bon, le flot qui a installé, il a uriné quelque part. Non, non, ça va. Oh, non, mais il a éjaculé dans quelqu'un, il aurait pas dû. Il a éjaculé dans rien, dans personne. Donc, s'il vous plaît, écoutez. Bon, déjà, ça a l'air d'être pas très marrant. Est-ce qu'il a genre payé quelque chose à quelqu'un et il pouvait pas? Non, ça, j'ai vu ça par contre. Il y a une influenceuse, j'ai oublié son nom malheureusement. Mais c'est ça que t'as vu? Ouais, qui passait dans un magasin et quelqu'un lui a filé, je sais pas, un coca. Dans en un plus. Quick, ouais, dans ouais, un quick, ouais. On lui a filé un burger en plus. Et elle s'est fait virer. Parce que, ouais, l'influenceuse l'a mise sur Insta en disant Insta ou Snapchat. Ouais. Oh, je connais pas tout mon réseau, moi, les jeunes. Ouais. Elle a fait, trop sympa. Trop sympa le quick de machin qui m'offre un burger et un coca. La meuf s'est fait virer. La meuf qui est la caissière. Oui, la caissière qui a offert le coca. Alors, est-ce qu'il volait quelque chose de manière récurrente? Pardon, je reviens dans le jeu. Non, mais t'as raison. Donc, c'est dans un magasin? C'est un Auchan, ouais. Un Auchan dans le nord de la France. Est-ce qu'il amenait des produits de chez lui qu'il mettait en rayon? Non. Il a vendu des trucs à lui. Des poteries. Est-ce que c'est un truc vraiment con mais rigolo? Alors, moi, je trouve ça con et rigolo et vraiment surtout pas si grave. Je trouve ça fou qu'il se soit fait virer pour ça. Est-ce qu'il a dit des trucs au micro, genre, il a fait des imitations? Bah, mon rêve. Malheureusement, bref. Vous avez vu cette vidéo? Putain, on m'a montré cette vidéo récemment. C'est une. C'est pendant une cérémonie sur le foot. Là, je sais pas si vous connaissez. Oh, Fanny, elle a dû voir. Bah, toi, t'adores ça. Le trophée de UNFP. Non, ça te dit rien? Non. Il y a un mec, qui fait un sketch où il fait une imitation. Et en gros, le présentateur le lance sur une impro. Et sauf que le gars ne sait pas le faire, je vais vous montrer l'extrait. Ah, je suis pas sur le gardien dans l'émission, mais c'est vraiment marrant, ce qui fait un truc qui me tue de rire. C'est-à-dire qu'il sort de l'imitation pour faire quoi. Et ça, c'est un des trucs préférés. On est dans la période du mercato. Donc ça, Jib, c'est pas écrit ce qu'il fait là. Est-ce que vous prolongez l'aventure? Comment? Prolonger l'aventure. Est-ce que vous allez signer un nouveau contrat, prolonger? Qu'allez-vous faire? Pour l'instant, pas spécialement. Après, c'est vrai que. Oh non, c'est horrible. Arrête. Je déteste. Le truc, c'est le nom, mais. Non, mais. Non, j'ai pas prévu. Voilà, pas improvisé, hein. Ça m'a tué. Mais ouais, mais en fait, le gars, il a pas prévu, c'est le présentateur. Il sait rebondir, hein, le présentateur. Il sait capter le malaise et il rebondit bien. Non, non, non, mais alors, vous avez signé un contrat ou pas? Mais répondez! Bah écoutez! Quoi? Non, mais. Donc, non, pas d'imitation. Ah, pas d'imitation. Est-ce qu'il a fait genre une course de caddie? Non. Je suis moral à zéro, ton truc. Il a essayé de mettre le truc du caddie dans le trou, c'est ça? Est-ce que ça implique des enfants? Non, aucun gosse n'a été. Est-ce qu'il a fait des donuts sur le parking? Non, non, pas du tout. Est-ce que ça implique les produits du magasin? Il n'a pas utilisé les produits du magasin. Il avait une petite habitude qui agaçait les gens. T'allais dire quoi? Il zozotait? Non. Est-ce que c'est il est resté dans la boutique après la fermeture pour faire des trucs? Non. Et c'était pendant son service. Pendant son service. Il faisait des petites blagues aux gens? Il sifflait. Alors on s'approche. Il chantait. Ouais, faut pas faire ça. Ouais. Il chantait, ils l'ont viré. Tout simplement. La joie. Je hais la joie. Ah, il lui suffisait d'entendre sa chanson putain, favorite. Putain, alors que c'est au chant. Oh, mais ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Il lui suffisait d'entendre sa chanson favorite pour qu'il se mette à la chanter. Alors malheureusement, l'article ne dit pas laquelle, donc si quelqu'un a l'info, ça va vraiment savoir. Despacito. J'entends ça, je me dis, il chantait une fois tous les 6 mois parce que sa chanson favorite, elle passait pas tous les jours. Je sais pas. Ça dépend quelle radio. Ça dépend. Attends, les radios de supermarché, en plus, c'est vraiment la même chose en boucle. Ouais, en toutes les heures. Après, ça... sa chanson favorite, c'était peut-être le jingle de Auchan. Dans le magasin Auchan de Louvroy, c'est la stupeur depuis plusieurs jours après la mise à pied d'un salarié pour avoir chanté un peu trop fort dans les rayons tous les matins. Rapporte La Voix du Nord le 22 mai. Le magasinier qui travaille depuis près de 20 ans et commence le matin à 5h a reçu une lettre de la directrice lui indiquant sa mise à pied d'une durée d'un jour ouvré. Nous ne vous empêchons pas, nullement d'extérioriser votre joie ou votre bonne humeur en chantant, mais vous devez comprendre que le volume sonore de cette extériorisation est à minimiser. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas le. Ouais, on n'a pas les détails parce qu'il y a un monde où ça peut être atroce. Le TikTok du mec qui est dans un resto italien et il se met à chanter de l'opéra, genre. À fond quoi. Bah, c'est un peu oppressant, ouais. Tu dis. Moi, enfin, virons-le quoi. Mais ça veut dire qu'ils ont dû avoir un motif. Alors, c'est ça. C'est parmi ses collègues, après, cette décision. C'est un jour, il est pas viré. Parmi une ses collègues, mise à pied d'une journée. Ouais, cette décision suscite l'incompréhension. Ça a toujours existé, explique Eric Dronsard, délégué CFDT. Y a rien de méchant, ça fait partie de l'ambiance de travail. On nage en plein délire, c'est complètement fou. Je suis conseiller prud'homal depuis plusieurs années, je n'ai jamais vu ça. S'insurge, Eric, toujours. La direction justifie la décision par des plaintes de certains employés qui font état d'un mal-être. Certains sont même obligés de travailler avec des bouchons d'oreilles. Bah après faut voir s'il hurle. Oui, bon. Oui parce que là il y a un monde où c'est présenté genre il apporte de la couleur à la vie et la machine de la grande distille écrase. Oui et puis ça fait 20 ans. Et c'est la même chanson et ça rend fou en fait. Mais le truc en fait c'est que le sujet a jamais été abordé avant en CSE. Sinon ils auraient été les premiers à venir en être. Ils regrettent par ailleurs une sanction qui n'a pas été graduée. On aurait pu imaginer une première convocation, peut-être un avertissement avant d'un licenciement immédiat. C'est comme les trottinettes de location ça. On est passé de il y en a à on interdit. Oui, ça c'est peut-être réduire le nombre, je sais pas un truc comme ça. Ouais. Ah, je suis ça t'a rendu fou. C'est quoi la loi, c'est on en veut moitié moins, d'accord, on retire la moitié. Bah oui, c'est si on a c'est trop si c'est. Oh là là, il y a un anti. Comprenez bien que c'est pas possible à mettre en place. Ah, attendez. Bah, bien sûr. On est mais c'est interdit ou pas d'ailleurs, ça part en grande gueule. C'était là, c'est fini. En fait, ils ont plus le droit de faire louer des trottinettes à Paris. Enfin, il y a plus de trottinettes en libre service. De location, je parle. Mais il y en a encore partout. Bah, oui, c'est en cet fin été, cet été, tête de mule. Tu t'écoutes pas, ouais. Piombino, déjà que t'es de droite, tu n'écoutes pas. Bon, wow. Bah non, mais bon, j'utilise pas vos trucs. Les roues sont trop petites. Quoi, il y a que les bagnoles. Bah c'est ouais, bah, j'ai un il vélo. Il y en a 5 des bagnoles. J'ai envie de faire chier avec l'environnement. Il y a des vieilles bagnoles des années 60 qui polluent je la démarre, plus qu'un avion. Je la démarre, c'est 1000 de tes trottinettes à la con, là. C'est vrai. Vous avez fait quoi, vous, comme métier avant votre métier actuel? Fanny, par exemple, toi, t'as commencé très jeune. Ouais, mais j'ai fait que attachée de presse et pendant que j'étais ado, j'ai fait des trucs style bossé ouais dans des supermarchés, dans des un moment le truc le plus un peu chelou que j'ai fait, enfin c'était pas chelou mais voilà, c'était travailler dans un truc de parc et jardin, et donc tous les matins j'allais ramasser les poissons morts trop sympa dans les aquariums trop voilà. Donc tous les matins par contre il y a pas un matin où il y en avait un qui s'en sortait? Ils étaient tous morts chaque matin. J'en tuais un quand il y en avait pas pour pas me faire virer quoi. On a plus besoin de toi, les poissons ne meurent plus. Et toi Antoine? Moi j'étais statisticien, oui. Un métier passion bien sûr. Je peux expliquer aux gens. On sent la passion dans ta voix quand j'avais parle. Un webzine sur la stat. Sur les dénominateurs communs. On parlait de tout et de rien. Non mais tu peux expliquer aux gens ce que c'est. Les dernières ZABAC qui sont sorties. c'était en vrai sur papier c'est pas si nul que ça. C'était des, tu fais des modèles mathématiques pour prévoir des trucs. Et il s'avère que une info intéressante, c'est que c'est un métier qui va vraiment méga disparaître avec l'intelligence artificielle. Ah, un des métiers. Ouais, mais alors celui-là, comme il est tous les autres. Il a une trajectoire hyper particulière, c'est que genre, tu vois, 2005, ça devient un métier qui n'existait pas trop et d'un seul coup devient giga à la mode. Toutes les boîtes, elles veulent des data analyses, faut qu'on fasse des data. Donc tu sais, on forme des statisticiens. Et donc tu sais, t'as des méthodes stats. Et en fait, là, l'intelligence artificielle, c'est t'as plus besoin de méthode en fait, tu mets dans une machine qui va faire 10 fois ce que toi t'as appris à faire, et c'est, je pense que c'est la courbe de progression disparition la plus rapide des métiers de l'histoire. Donc il faut juste apprendre à coder avec ces machines là. Ah bah maintenant t'y a même plus besoin de savoir les coder, c'est devenu absurde, t'as juste à écrire ouais fais-moi une analyse de ça, le truc il est plus fort que moi littéralement. Bah d'autant plus que j'étais nul. mais ouais c'est absurde. Et là tu vois ça fait 4 ans que j'ai arrêté de bosser. J'ai regardé genre sur LinkedIn parce qu'ils m'ont targeté en mode hey, soyez machin. J'ai regardé ce qu'il fallait faire. Je connais plus aucune techno, rien. Enfin, je suis caduc. C'est vraiment. Non, mais je suis avec les mitaines en mode hey, à l'époque, je faisais la vraie stat, moi, là. c'est fini. Et t'as bossé quand même à Dijon Plage également. J'étais plagiste à Dijon Plage. Plagiste à Dijon. Ah oui, c'est comme Paris Plage. Mais à Dijon. À Dijon. Donc c'est un peu plus. Alors, ouais, c'est stylé. Ouais. À ceci près que c'est un lac et qu'il y a masse d'algues. Et le matin, on devait aller ramasser les algues à la fourche. Il y avait des poissons morts. Il y en avait un paquet. Et le statut des toboggans, est-ce qu'on peut avoir une évaluation parce que... Alors, si ce métier n'existait pas. Si je peux donner une anecdote de Dijon Plage, c'est qu'il y avait il y avait une guerre fratricide, si vous voulez, entre les plagistes. Et les surveillants, c'est des gendarmes, les maîtres nageurs. Et en fait, tu veux dire. et en gros, les gendarmes considéraient, enfin les maîtres nageurs brassard. Considéraient que c'était à nous de ramasser les algues. Et nous, à la mairie, ils nous avaient dit que c'était aux maîtres nageurs de s'en occuper. Oh là là. Et le matin, en gros, ils nous disaient voilà les fourches et vous allez avec la pelle et le machin. Quand tu t'es fait victimiser par les flics, quoi. Non, parce que du coup, nous on disait non, mais on le fait pas tout seul et tout, vous nous aidez, machin. Et un coup, donc il y a une des gendarmes qui nous aide vite fait et je prends un coup de fil. Une des gendarmes, déjà. Oui, parce que les mecs grand l'air. Et t'es tombé amoureux d'elle parce que clairement, c'est Roméo Juliette, ce que je raconte. Hein, clairement, on est sur l'histoire de exactement ce qui se passe. Et là, il y a le chef des maîtres nageurs qui était, bon, je peux le dire, un abruti. Pas à sa fonction. Juste, ça peut arriver. Il est venu me voir et c'est une phrase qu'on cite souvent avec Mickaël parce qu'on s'en souviendra toute notre vie. Je pense, il fait tu crois que ça m'arrive de mettre les mains dans la merde. Voilà. Et on se souviendra toujours de cette phrase puisque non, ce n'était pas qu'à Marie de mettre les mains dans la merde. Mais t'aurais aussi pu nous aider, connard. Voilà. J'ai aussi fait un mois en banque. Un mois. C'était vraiment été pas bon, je pense. C'était mon premier, là j'étais au lycée, quoi. C'était le truc un peu. Stage de troisième. Ouais, tu sers à rien. Genre, on me fait même pas désidentifier. Non, je pense qu'on peut même pas allumer l'ordi. Par contre, j'étais très surpris. Je pensais qu'il y avait des. J'ai amené ma fille à la crèche et il y avait une gamine de stage de troisième. Je savais pas que c'était aussi. T'avais le droit sur le dire. Elle bosse en. Il y a une des filles de la crèche qui bosse en banque. Qui bosse à la crèche. Et j'avais quand même un truc de. Ouais. Voilà, c'est jeune quand même. Il y a un peu de responsabilité. Ouais, voilà, c'est la vie de mon enfant. Je pense qu'elle doit. C'est ça. Porter des enfants qui peuvent mourir en tombant. Non, mais ceci étant, oui, je pense qu'elle doit pas faire grand chose. C'est vrai que les stages de 3ème, on foutait pas énormément de choses. Mais oui, en plus, ça s'appelle des stages d'observation. Oui, à la base, oui, mais en vrai, de vrai, tu bosses. Enfin, toi, je sais pas si à la banque. Le mot stage implique une exploitation, quoi qu'il arrive. Donc, elle doit bosser, c'est sûr. Mais... Moi, j'étais dans la catégorie, tu sais, il est gênant, quoi. Enfin, tu sais, non, mais c'est vraiment personne. Catégorie que t'as quitté depuis, hein. Là, j'ai l'impression d'être votre pote, non. Non mais tu sais, il y avait que des vieux, c'est genre même à la fin, au bout d'un mois, il savait toujours, tu sais, il m'appelait Anthony, quoi, tu vois, donc c'est lui, tu t'en bats les couilles. Mais j'ai fait une semaine à CJ Map, je crois, qui était une entreprise de plomberie chauffagerie. Là, c'était mon truc de troisième. Trop cool ça. Et là, j'étais avec Dédé dans le camion. Et là aussi, j'étais très gênant. C'est une chanson de Renaud, ça, par contre. Avec Dédé dans le camion. Non, mais en fait, le premier jour, il m'a dit bah, tu vas m'aider avec le poste à souder. Et tu sais, il fait ah oui, non, mais t'es pas manuel, toi. Donc en fait, c'est tu vas rester dans le camion. Voilà, c'est pire. Ouais, c'est quel enfer. C'était cool. Le magazine Le Point, tu vois, on s'ouvre un électorat également de droite. Mais vous répondez pas à cette question. Bon, non. Nous on a fait 120 épisodes, donc on a avec les bars, lui. Moi, SPA, non, cinéma aussi, j'ai bossé dans un cinéma. Dans un cinéma. Dans un cinéma, ouais, j'étais projectionniste. Et maintenant, il est dans le cinéma. Et c'est ça. Mmh. T'es rentré dans la boîte, dans l'écran, dans le bois. J'ai l'écran. Elle marche pas très bien. Oui, donc le magazine Le Point dévoilait la semaine dernière le classement des plats préférés des Français. Oh, pas mal. La pizza Piombino. Je vous demande le top 5. La pizza ? Non, le couscous, c'est toujours le couscous généralement. Le Point ? Non, il y a pas le couscous. Ah oui, Le Point, c'est là. Ça dépend du. La blanquette. Le coq. Voilà, alors. Non, il n'y a pas la blanquette. Non, mais on s'approche. Il y a la raclette. Il n'y a pas le poulet. La raclette est numéro 5. Cassoulet. Alors, c'est le poulet frite est numéro 4. Ouais, le compote. Il n'y a pas dimanche. Compote. Le bourguignon. La popote. Non, bœuf bourguignon, deuxième. Le cassoulet. Il n'y a pas de cassoulet. Oh. Ah oui, remarque. La lasagne. Il n'y a pas lasagne. La salade verte. Non. Il n'y a plus rien. Un oignon. Non. Déjà, il y a bon, de la viande dans tous les plats, déjà, ça c'est sûr. Alors, pas dans le numéro 1. La ratatouille. Mais la toi, ratatouille. Tu peux pas en manger quand même. Enfin, c'est un dessert. Vegan, tu... Non, il n'y a pas ratatouille. Le tian. Pas le tian. Ah, fromage. Pas fromage. Non, pas fromage. Vous m'avez dit la raclette, vous m'avez dit le poulet frit. La fondue, dit... savoyarde. Pas la fondue. Si. Alors, il y a le bœuf bourguignon en 2, vous m'avez pas dit le numéro 3, qui est pareil, un animal pour le coup. Et le numéro 1. Ah, l'agneau. Pas l'agneau. Burger. Le lapin. Pas le lapin, ah, le lapin, j'en mange, j'en ai pas mangé. Ah, le foie gras. Non, pas le foie gras. Ah, la moutarde, c'est vraiment bon. Ah ouais, mais j'en ai pas mangé depuis que j'ai 12 ans, je crois. Non, pas la moutarde. La moutarde, j'adore moi. Tu fais des cuillères de moutarde. Bah, lapin à la moutarde, quand t'es vegan, tu manges juste la moutarde. Ouais, il vous en manque un. Ah, je vous donne le numéro 3. Non, mais le porc, le lard. Y'a rien de porc. Non, jambon, non. Ah ouais. Non, y'a pas de porc. Pourtant, le point. Ouais, le porc, j'aurais mis le saucisson. Le porc, saucisson. Des frites mais avec du saucisson sur le côté quand même. Des frites mais cuites dans la graisse de porc. Non, non. Le corps du Christ aussi. En numéro 2. Un verre de rouge avec. Hein. Non, attends, numéro 3. Tu dis que c'est un plat à base de viande. Ouais, ouais, ouais. À base d'animal. Vraiment, donc c'est pas coq au vin. Ah, le hamburger. Coq, mais c'est que non. Des plats français. Hein, c'est que. Ah, je sais pas si le numéro 1 il serait français. Mais le 3 il est français, ouais. La quiche lorraine. Non. Ah, la flamme cuche. Pas tartiflette. Attends, la tartiflette. Plat du sud. Ah, je sais pas. J'en ai aucune idée, mon pauvre ami. Attends, je vais regarder. Enfin, pas, moi, pas à ma connaissance. Falafel, hein, c'est au sud. Hein. Non, non, c'est pas, c'est pas du sud de la France, ouais. Écoutez. Originaire de la cuisine gersoise. Je sais pas si ça va dans le Gers. Gers, voilà. Donc. Bah, ah, bah donc, c'est ouais. Les canards, le confit de canard. Le magret de canard. Magret de canard. J'ai une chance sur deux. Bon, si vous voulez. Et le numéro 1. Le numéro 1, c'est très large. Hein, en plus. Et donc, tu dis, c'est pas français tellement, forcément. Bon, pas spécial, mais t'en trouves en France, t'en trouves même dans des tomate chaînes mozza. De restaurants. Pas tomate mozza. Est-ce que c'est bon pour la santé? En tout cas, c'est pas, à ma connaissance, c'est pas mauvais. Attends, donc le 1, c'est celui qui a pas de viande. Alors, c'est de l'animal, mais je. C'est, oui, mais il y a pas de viande. Non, pas de viande. Mais il y a du lait, il y, y a de la crème. Y a, non, mais. Oh, des œufs, des œufs. Non, à la pas coque. Des œufs, pas des œufs. Tu m'emmerdes. Ouais, je comprends. C'est mérité. Il y a des produits animaux dedans. Oui, c'est des animaux. Mais il n'y a pas de viande. Non. Bon, ben, c'était simple. Du poisson, c'est de la viande ou pas? Ah, c'est du poisson. Non, ah. C'est du poisson. Ah, merde. Ah bon. Bah non, je serais pas con. Ah, c'est des fruits de mer, c'est genre le bouillabaisse. Ouais, bien joué. Oh les fruits de mer, c'est les fruits de mer, largement les fruits de mer. Okay. Donc c'est considéré comme la viande ou pas? Pas vraiment. Oui, donc voilà, merci. Je suis pas. Non, j'en sais rien. Mais non, c'est mais débile, attendez, on a des plats précis, puis d'un coup, c'est. Ou un plateau de fruits de mer. Oui, un assortiment de viande. Oui, bah là, c'est bon. Finalement, le point, pas ouf. Pas ouf, hein, non, ouais, ouais, il faut me désabonner, je crois. D'abord ouais. La droite, et puis maintenant ça. Le point, ils auraient pu mettre barbecue en premier, tu vois. Bah ouais, mais écoute, là, c'est ouais, fruits de mer, fruits de mer. Je sais pas, le point, c'est peut-être un peu trop. Non, mais ils essayent un peu de s'ouvrir au monde. Ouais. Là, non, valeurs actuelles auraient peut-être mis le barbecue. Ouais. En tout cas, les jeunes sont. Barbecue de bonhomme. Et de porc, ouais. Les jeunes sont moins chauvins de l'assiette que leurs aînés, nous dit Le Point. Moins chauvin. De la moitié des 18-24 ans placent en premier la cuisine française contre 75% des 50-64 ans. Ensuite, les jeunes apprécient la cuisine italienne, 22%, suite de la cuisine japonaise, 12%. Voilà, tout simplement. Est-ce que ça cuisine autour de la table? Oh, est-ce plus qu'il y a souvent qu'à mon tour. Ah ouais? Enfin, oui, bon, oui, oui. Quel, un peu, mais rien de. Je peux pas dire que j'ai un plat particulier, c'est un peu de l'improvisation quoi quand je cuisine. Oh, il a acheté ses mains, t'as vu comme il a acheté ça. Ouais. Moi c'est de l'impro. Mais voilà, j'ai vu les différentes épices. Ouais, bah, c'est ça. Ratatouille, vous voyez, moi, c'est ça mais sans rat sur la tête. Ouais, c'est ça. Bah ouais. Non mais des fois tu postes en story et tout et à chaque fois je me dis putain mais ça a l'air super bon. En plus il y a plein de couleurs. C'est vrai. Et oui, mais et vraiment visuellement, c'est bon. C'est vrai que sinon si tu postes un truc qui a l'air infâme, tu vois, vraiment terne, c'est vrai que je le poste pas forcément. Ça m'arrive de faire des plats. Je le finis pas, j'attends 3-4 jours et je le prends en photo. Mais c'est l'avantage de bouffer beaucoup de légumes quoi. Il y a plus de couleurs que. Mais toi, c'est envie de goûter tes trucs et à chaque fois je fais ça a l'air compliqué. Enfin, il faut plein de choses. Faut venir quoi. Chez moi. Toi, Antoine, tu cuisines vachement aussi. Bah, je cuisine moins là avec un enfant, on a moins le temps de cuisiner. Je cuisine pour elle, mais c'est des trucs de merde. Oui, mais quand même. Parce que moi, par exemple, je ne cuisine absolument pas pour ma fille. Enfin, tu vois, c'est Blédina. Ni pour toi. Ni pour moi. Ni pour personne. Personne. Non, mais oui, c'est ça. J'essaie de comprendre pourquoi, parce que c'est pas de sa faute. Non, mais c'est qu'en fait, tu reçois moins quand t'as un enfant. C'est de sa faute, la pute. Je veux plus que tu cuisines. Elle me fait une clé de blar. Allez, salut. Ça fait longtemps que j'avais pas bafouillé comme ça. Fatigué. Non, mais tu reçois moins et je cuisine quand je reçois et du coup je suis très mondain, sachez-le. Je reçois d'ailleurs en peignoir en satin. Mais Comme ton anniversaire là. Comme mon anniversaire. Playboy inversé, je pense, le meilleur thème ever, horrible. Mais attendez, faut dire aux gens quand même. Est-ce qu'on peut faire une petite parenthèse? Petite parenthèse, en fait, on parlait. Il a peut-être pas envie d'afficher ses potes. On peut couper au montage, au pire, on s'en fout. C'est qui? C'est Teddy? On parlait hors antenne des gens qui imposent des thèmes pour leurs anniversaires et des dress codes et tout. Et bon, voilà. Si vous écoutez un peu l'émission, vous n'êtes pas. Je pense que vous devinerez assez facilement qu'on déteste Adrien et moi ça. Non, ça dépend. Non, mais il y en a qui sont marrants. Ouais, mais quand c'est facile. Léopold Le Marchand pour son anniversaire, par exemple, il a eu une très bonne idée. J'avais beaucoup aimé. Le thème, c'était Léopold Le Marchand. Il fallait juste venir. J'avais juste Thomas Wiesel. Avec une perruque. Il fallait juste mettre une perruque de ton choix. Bah, c'est un peu sympa, tu vois. Tu l'enlèves au bout de 5 minutes. Une perruque à 5 balles. Là, ça finit dans les océans. Tu vois, ça m'était arrivé. Le même groupe avait fait c'est l'anniversaire année 20 et tout le monde doit être déguisé. Non mais et c'est genre l'horreur. En plus avec ma meuf qui me dit t'as trouvé ton costume, il faut que tu te bouges parce que c'est ce week-end. Et c'est genre mais qu'est-ce que je dois acheter un costume en fait. Moi, c'est si ça met une pression sur la venue à l'anniversaire, c'est que c'est et je suis arrivé pas de bonne idée. Sous sapé vraiment. C'était tiens bah si tu veux je te montre la chambre si tu veux te changer dans ton déguisement. Oh non mais c'était ça, j'avais juste une monte à gousset. Tu vois. T'as mis des bretelles et une chemise quoi. Ah ouais mais c'était atroce mais je. Mais après année 20. Je jurais sur les photos. Non mais parce qu'en plus moi déjà j'aime bien quand je vais à une soirée pouvoir annuler à tout moment. Ouais. Et du coup déjà là il faut que je loue t'aimes un t'aimes être un connard ça. Oui voilà c'est ça. Bah non ça va, on peut annuler quand même à tout moment. Oui non, il n'empêche pas les autres. Dans un de délai de 48 heures normalement bon on rembourse pas quoi. Et pardon, pour revenir au sujet de base, donc tu as été invité à un anniversaire où le thème c'est Playboy Mansion. Donc déjà au début on fait ça fait un peu froid dans le dos, inversé. Et là c'est encore donc pire. Donc là c'est moderne mais c'est donc on doit être en cheap and dell. C'est moderne mais lourd. Ouais. Bah moi genre, j'ai pas prévu genre, de me ça mettre ça se voit une... trop qu'ils ont voulu être modernes. Oui, c'est ouais. Ça. Bah, en fait, t'inverses un truc lourd et c'est toujours lourd en fait. C'est juste d'autres gens. C'est giga lourd. Non mais donc je sais pas enfin parce que du coup j'ai dit je vois même pas ce que je dois faire et c'est ben en gros tu dois être en chipendale en slip avec des oreilles de lapin je pense. Oui, je pense que c'est et ça. Et c'est ah oh, bah ça me régale. Oui, ça non mais j'ai tous les accessoires à la maison mais bon, je préfère garder ça pour mes soirées costumées entre amis. C'est des thèmes pour les gens qui sont pas trop à l'aise avec leur corps, c'est trop bien quoi. Ça régale en slop et tout quoi. Ouais, ça régale. Et donc tu cuisines, mais alors quoi, la cuisine c'est venu comment? Est-ce que c'est un truc de... La pasta. C'est celle de... Non mais est-ce que ça te détend? Est-ce que c'est le fait de voir les gens kiffer ce que tu cuisines? Non, alors moi mes parents ils sont restaurateurs, donc moi mon père il est cuisinier. Je savais pas. Et ma mère elle est aînée d'une famille de 5 enfants où en gros à 12 ans c'est bon bah tu vas aider maman à cuisiner. Et ma mère elle cuisine super giga bien. Et la transmission a fait son œuvre, c'est que mes parents m'ont absolument rien appris. Ah, ouais, mais par l'exemple, peut-être t'as vu, observé. Non, mais même pas, parce que tu sais, en plus, je m'en foutais, gamin. Tu t'assois à chaque fois, tu poses ton cul sur la chaise et tu bouffes et c'est délicieux. Ouais. Et en fait, quand je suis devenu étudiant, j'ai vécu seul. Et là, je fais ah, mais la nourriture extérieure est immonde. Et par la force des choses, je me suis mis à cuisiner pour reproduire, tu vois, pas le goût à la maison. Oui, mais ça a dû t'inspirer inconsciemment. Mais j'adore ça, moi, ça me détend. Déjà, ça t'a mis des attentes. Ce ouais. Qui est fou. Ouais. Parce que normalement, étudiant, tu fais personne fait la fine bouche, quoi. Ouais. Non, non, c'était l'inverse. Des sneakers, c'est bien comme animation. Ouais, c'est ça. J'avais un pied de basilic sur ma fenêtre. Ok. Ce qui est pas dingue. Déjà, les gens, ils m'appelaient basilic. L'imagination qu'ils avaient. Non, mais les étudiants, ils les adorent. C'est bien. Sur les insultes, c'est là où je les aime beaucoup. C'est que vraiment, t'as des lunettes. Et lunettes. C'est vraiment. Ça, j'aime bien. Tu sais, on va droit au but. C'est très bien. Mais non, ça me détend, franchement. Puis c'est cool de bien manger. Ouais. Mais quand je suis tout seul, j'ai un peu la flemme. Je me fais des giga plâtrés absurdes avec énormément de pasta, sans doute. Moi, c'est toujours des pâtes avec énormément de lard, énormément de piment. Voilà, c'est les deux thèmes. J'adore. Mais c'est marrant parce que moi, j'ai pas la. Je sais pas si toi Fanny, tu as le goût de la nourriture. Est-ce que genre t'aimes bien quand c'est bien fait? Est-ce que c'est un truc auquel t'es sensible? Le goût des bonnes choses. Horrible, le goût des bonnes choses. Mais moi, j'aime juste manger beaucoup. Ce truc de remplissage. Je me suis un peu embourgeoisée là sur les dernières années de vouloir un peu les bons trucs et tout. Mais j'aime surtout beaucoup manger quoi. Et moi c'est ça, et même moi j'ai vu une nutritionniste parce que à un moment j'ai voulu perdre du poids parce que même j'avais mal au dos et tout, donc je me suis dit, faut que je fasse un truc avec la bouffe. Et on a vraiment c'est là Calimero là. Non, j'ai vu une nutritionniste donc je suis quand même richissime. Attention. Mais elle m'a quand même aidé à mettre un doigt sur ça. Elle m'a dit, en fait, vous, c'est un truc de quantité. Et juste, j'ai remplacé la quantité parce qu'avant je mangeais genre beaucoup de viande, de pâtes, de trucs et je me suis rendu compte que je pouvais faire la même chose avec de la salade, des carottes, mais genre pareil, des plâtrés qui n'ont aucun sens. Genre, je me fais vraiment. Par exemple, je me fais tous les soirs, je me fais à peu près deux trucs de carottes râpées, barquettes, bon duel, quoi. Je m'en fais deux entières parce que j'ai un truc de remplissage comme ça. Et moi, j'ai aucune curiosité de la bouffe. Donc, je suis toujours très admiratif des gens qui ont le sens de la nourriture parce que j'ai l'impression que c'est un art auquel j'ai pas accès, quoi. En fait, moi, je trouve que c'est mettre tellement de temps dans quelque chose que je vais bouffer en littéralement 10 minutes. Ouais. Et vraiment, mon temps, je préfère le mettre ailleurs. Et quoi. Tu engouffres, toi aussi, parce que moi, c'est en plus, je mange vite, quoi. J'ai ouais, pas je un mange truc. Très vite. C'est ça, ouais, quoi. Ouais. Ça, c'est un problème. Moi, je suis allé voir un gastro-entérologue. Ouais. C'est la même chose, sauf que c'est reconnu par l'État, voilà. Et bon, je me la pète, mais j'ai fait. Enfin, t'as la chiasse, quoi. En gros, par contre, je te la raconte pas trop. J'ai d'autres problèmes. J'ai fait fibro-colo, hein. J'en ai fait deux. Ah putain. Et colo, c'est pas en vacances, hein, vous avez compris. Oh, je vais noter ça dans mon carnet à vannes. Fibro-écolo, c'est votre nom de duo avec Étienne. Alors, les clowns. Pour info, c'est le même tuyau. Enfin, il le nettoie, mais c'est la même caméra, quoi. D'accord. C'est pas, non, mais c'est pas un modèle spécial. Ah, pour la bouche et, pour ouais, ouais, c'est le même système. Ouais, bah, quoi. Attends, ça va. Il nettoie. Et ça va, basilic là. C'est haut. Et moi, c'est un vrai problème, en gros, parce que du coup, j'ai des problèmes d'estomac et un des premiers trucs que m'a dit le gastro, il m'a dit, vous mâchez pas assez et vous mangez trop vite. Ouais. Et il dit, il faut vraiment que vous mâchiez, mastiquiez, etc. Nanana. C'est vrai que tes parents t'ont rien appris. Mastiquer, balayer. Et en fait, je suis incapable de pas le faire. C'est vraiment un truc mental, tu sais, où je dois vraiment me forcer à mâcher. La bouchée d'après, je redégomme et je mange vraiment giga vite. C'est un chien. Et ça s'appelle. Tout simplement. Et j'ai ce truc débile, psychologique, quand il y a un plat chaud, je me dépêche. Ah, pareil. Genre, il va refroidir. La viande, je la mange à une vitesse en mode ça va refroidir. Je veux tout de suite que ce soit chaud. Mais... Et pardon, je mange hyper vite. C'est clairement un truc, mais ça me fait rire. Ouais. Non, mais je veux dire que je suis un chien. Non, mais moi, j'ai la même chose. C'est peur que ça refroidisse alors que, quand même, amour, t'habites. Dès qu'il voit une balle, c'est terrible. Le mettez pas devant un chat. Hein. Oh, il y a un facteur, faut que j'aille à la fenêtre. Mais est-ce que c'est pas lié aussi un peu à l'éducation, ça? Au fait que t'es con. Non, l'éducation. Bon, peut-être aussi, mais lié à l'éducation. Parce que moi, j'ai ça aussi avec. Nous, on a toujours manqué. Non, mais. Moi, je ne laisse pas à bouffer. C'est ça. Et moi, là, j'ai le problème avec même un bébé et même une je ne termine le bébé. Un bébé mange jamais tout. Et tu vois, et moi, je finis les assiettes de tout le monde. Ouais. Franchement, la poubelle de table, c'est vraiment atroce, quoi. Moi, je fais chier, moi. Je le laisse pas. Et ça me rend dingue quand ma meuf laisse un peu dans son assiette. Frère, racle en fait. On va pas jeter. Non, mais c'est jeter. Débile quoi. Oui, ou sinon t'es genre, toi t'as mangé 10 fois plus vite que la personne avec toi. Tu regardes son assiette, tu dis, si jamais tu finis pas, moi je suis là quoi. Hein. Voilà, je sais pas si t'as fait une liste d'attente, mais je vais être le premier. Et du coup, tu manges froid, malheureusement. Du coup, c'est. Oui, parce qu'à chaque fois, c'est ouais, on verra. Bon, c'est très bien que tu vas la laisser, ta putain de moitié de pizza. Attends que je la mange maintenant pendant qu'elle est chaude. Ils sont ingrats, les gens. Ah, ils comprennent pas. Toi, Adrien, tu, au niveau de la bouffe, t'es, tu t'es un gros mangeur. Ça t'arrive de manger ou pas? Je mange. Je prépare pas trop mes interviews, je sais pas si t'as remarqué. Non, je mange en assez grande quantité aussi, mais j'ai pas. Enfin, je mange bien aussi, quoi. Je fais les deux, moi. Tu te goinfres pas? Non, mais moi, je trouve que. En fait, quand j'étais ado, même. Toute ma vingtaine, c'était vraiment purement fonctionnel la bouffe. C'était pas que je me remplisse, enfin, si, d'une certaine manière, mais c'était je bouffais parce qu'il fallait, sinon tu meurs, quoi. Ouais. Donc c'était vraiment je bouffais un truc vite fait, j'en avais rien à foutre de ce que je me mettais vraiment dans le corps, quoi. Et, alors que t'en as qu'un de corps. Eh ouais. One life. Exactement. J'ai pas bafouillé, mais on peut aussi la couper. Ça. Non, mais attends. Elle est pas, t'inquiète. On a Paris parce que tu m'as mindfuck. C'est tout. On va mettre un petit peu un petit piano derrière et puis ça va être dans Objectif Millionnaire, ça. Ouais, c'est ça. Ça, Non et en fait je pense que c'est vraiment de devenir végétarien puis vegan, enfin végétalien. T'es obligé un peu de faire à manger parce qu'en fait il y a rien qui est, il y a très peu, enfin maintenant il y en a un peu, mais en tout cas ça reste des plats tout prêts, il y en a pas, t'es obligé de faire à bouffer, t'es obligé de reconcevoir un peu toute ton alimentation. Et du coup c'est un peu ça qui a fait que je me suis mis à cuisiner, à aimer ça, et je trouve que il y a un peu un truc cercle vertueux, de même de self care entre guillemets, de tu te fais à manger, c'est un moment qui est cool parce que il y a un côté créatif. Et en même temps, c'est pour un truc pratique, pour toi, qui est bon pour toi et tout. Puis il faut un peu de thune aussi, hein, faut le dire quand même. Parce que moi, quand j'étais étudiant, j'avais pas de four, j'avais qu'un micro-ondes et des petites. Non, mais c'est vrai. Un peu de thune, comparé à un étudiant, tout le monde a quand même de la thune, quoi, tu vois. Bah, je sais pas, mais en tout cas, moi, je sais que mes années étudiantes, je pense qu'ont été des années qu'on détruit aussi mon rapport à la bouffe, parce que pendant 4 ans je mangeais des trucs que tu fous au micro-ondes, que tu fous sur une plaque, des trucs pas très chers, enfin tu vois, des, parce que moi j'ai jamais beaucoup. Vécu, enfin tu vois, genre ma vingtaine, enfin la moitié, j'étais chez ma mère encore. Oui, d'accord, ok. Me faire manger, oui, non, mais moi je pensais que je prenais moi en exemple, j'étais dans 17 mètres carrés, tu sais, c'est les kitchenettes, les trucs. Oh, le riche. À l'époque, attention. Et c'était des kitchenettes, donc vraiment t'as pas même le frigo, en fait, tu peux rien garder de. Tu sais, c'est des trucs qui sont tout petits et tout. Donc, même cuisiner quand t'as. Quand t'as un espace dédié où, parce que pour le coup, moi, à une époque, je cuisinais beaucoup. J'ai acheté des super poêles, j'ai un super four, j'ai super plaques, j'ai machin. J'ai tous les beaux couteaux et tout. Cuisiner chez moi, c'est génial. Tu cherches un truc, je l'ai. C'est-à-dire que c'est bon, je l'ai, le thermomètre, le machin, la balance, le truc. T'as un thermomètre à viande? Ouais. Oh là là, ça l'est. Mais tu peux t'en servir pour d'autres aliments. Il est versatile. Et en plus, les règles, il les contourne tellement il les connaît. Mon gastro, il m'a demandé s'il pouvait l'utiliser pour les opérations. Non, mais le. Tu vois, alors que des fois, on va dans des Airbnb. Tu sais, pour le week-end de potes, et c'est ouais, bah Antoine, tu vas cuisiner. C'est genre, y a pas un putain de couteau qui coupe, tu sais, avec des trucs à beurre et des machins. Si... Ça me rend fou, je déteste cuisiner quand c'est pas. Achète-toi un couteau, un petit couteau pliable. Un opinel. Bien, dis-moi, t'allais dire un truc. Non, c'était pour dire qu'un autre, parce qu'on parlait de bouffe, et je me suis dit, on peut étendre le thème. Oh, mais c'était pas mon émission, tu peux m'arrêter. T'es chez toi. C'était en plus pour mettre une balle. C'est que moi, ma soeur, elle adore. Goûter, partager et tout. Moi, on touche à mon assiette, malade. C'est genre, c'est mon précaré, quoi. Ah bah, sans j'ai demander, quatre nems, t'en prends pas un. Ouais. Non, mais ma soeur, si je peux goûter ton nems, tu sais, elle m'en prend un. Mais elle le dit, ça pendant. Me rend fou. Si t'en as que 4, c'est horrible. Ah ouais, ça me rend malade. Le truc ça me rend horrible malade. Aussi, c'est quand la personne veut goûter alors que c'est ton dernier bite. Ouais. Mais non, parce que tu t'es pas préparé psychologiquement à ne manger plus que. C'est horrible. Et la meuf qui demande en prenant aussi. Je peux te rendre juste. Bah là, le geste a été fait, t'as déjà touché. Tu le touches déjà. Demander truc, tu lui parles plus, je pense. Ah bah, ma soeur, c'est fini. Non, mais tu sais, à la limite, bon, tu as un morceau de pizza, puis je me démerde pour te filer un gros morceau de pâte. Mais non, mais genre, je peux goûter ton burger, tu sais, alors que je suis en plein milieu, tu vas faire le giga croc, celui que je, tu sais, je contourne depuis le début. Premium. Oui, oui, celui où il y a parfaitement le fromage sur la viande, sur le truc. Ouais, non, je le connais. Ah, sans faire exprès, j'ai arraché toute la tomate et le bacon. Mais c'est marrant parce qu'à l'inverse, moi, quand on me dit tu veux goûter, je dis. Quasiment toujours non, quoi. Oui, bah ouais. Je suis genre, non, bah j'ai mon plat, j'ai pas goûté un autre truc. Bah, en fait, je me dis, si c'est trop bon, je vais être deg de manger mon plat de merde en comparaison. C'est presque une philosophie, genre, ça. Je veux pas goûter à autre chose parce que vu que je n'y ai pas accès tous les jours. Ouais, mais tu peux te dire, c'est pour la prochaine fois. C'est ça, mais c'est malheureux, c'est ma vie. Mais je veux pas entrevoir un truc bien parce que je me dis que j'y aurais pas accès. Moi, je j'ai et conscience. Je ne fais rien du coup, ça va ou quoi. Je vois personne. Voilà. J'ai conscience que je suis un giga trou du cul, mais moi, les restos où faut partager. Ah bah. Fin de l'émission. Ah bah c'est une transition parfaite. C'était une intervention depuis le début. Ah mais c'est ça la banderole. C'est Étienne qui nous envoie. Trou du cul. Ah ouais. Je disais. Tu sais, tu tires et il y a c'est bon, Antoine qui apparaît. Étienne, c'est bon, tu peux venir. T'es dans les toilettes depuis le début. Ah, ben ta fille est là aussi. T'es 14 non, couteaux là. Bon, tu sais, les restos, faut partager. Ouais, on prend plein de petits plats, on machin. Ah, oh, ouais, ça me rend malade, moi. Ça me rend malade. Ouais, non, ça me rend malade. Et tu sais, c'est genre, ah, vous avez pris 3 fois les huîtres chaudes, je sais pas quoi, que je vais pas manger. Par contre, la pluie monte encore. Le poulet frit que tout le monde va vouloir. Je suis baisé, il est loin de moi et tout. Ça, c'est loin de moi. Ça, c'est la malédiction des végétariens quand on commande des pizzas. C'est-à-dire que tu commandes une pizza végétarienne et tout le monde dit je vais juste prendre une part comme ça pour goûter. Et après bah, tu n'as plus de pizza et c'est la seule que tu peux bouffer. Et, voilà. Et si tu dis bah non mais on va en commander deux, ils font allô, tu veux deux pizzas le mec, ok. Non non, c'est parce que comme vous allez en manger patapouf, t'as un patapouf en fait. Voilà. Voilà pourquoi je vois plus. Les mots sont durs. On parlait bouffe alors encore un petit peu. Ça fait que 40 minutes qu'on est dessus. Mais c'est bientôt l'été. On adore ça là. Et Patrick Alran, Patrick Alran a inventé un objet révolutionnaire pour accompagner vos mois de juillet et août. Je demande ce que c'est. Bon, ça, c'est lié à l'apéro, ça. Ah, en tout cas, c'est lié à la bouffe, la bouffe l'été. Une glace qui ne fond pas. Non. Un objet, hein, tu dis. C'est un objet. Un objet lié à la bouffe, donc. Oui. La puisette à cornichons, mais ça existe déjà. Ouais, non. Est-ce que c'est un frigo box? Mais qu'on lève les roll mops. Ça prend juste les cornichons. T'as dit quoi, pardon, Fanny? Un truc de frigo box. Pas un frigo. Pas un frigo. Pas avec la. C'est vraiment lié à faire à manger et pas à. À genre garder la bouffe au frais. C'est pour éplucher des trucs? Non, pas un truc pour éplucher. C'est pour préparer un aliment? Ouais. C'est pour couper très vite un aliment? Pas pour couper très vite. Est-ce que c'est un appareil électrique? Non, c'est pas électrique. Est-ce que c'est pour les fruits? Pas pour les fruits. Les légumes? Non plus. Dur. La viande? La viande? La viande. Un truc qui tue l'animal directement. Non. Un flingue. Un flingue à poulet. Le piège à poule. C'est comme un piège à loup, mais pour les poules. Non, c'est un truc. C'est par rapport à la viande. Donc pas pour tuer les animaux. Pas pour les tuer. Mais pour les un plumeur à poulet? Non, l'enfer. Bah, est-ce que c'est un truc pauvre, comment ça arrive dans ton assiette à ton avis? Un plumeur, c'est pour les replumer. Bah non, on dit plumer. On dit plumer. Oui, hein. Je sais pas pourquoi, mais j'imaginais ah ça c'est un beau filet de poulet, bon, on va leur mettre les plumes par un. Ouais. Non, un truc des nuggets. Un truc qui transforme les filets en nuggets prêts à frire. Ah non, non non non. Est-ce que c'est pour tout type de viande ou un type de viande en particulier? Oh non, tout type de viande. Un couteau pour couper? Pas un couteau, c'est pas pour couper, c'est pas pour préparer, hein. C'est plus pour. Ah, c'est l'inverse que t'as dit tout à l'heure. Pour manger, si, c'est pour préparer. Pardon. C'est pour préparer, c'est pour. Mais c'est pas à couper ou tu vois, c'est plus dans la deuxième partie que quand tu fais à manger. Quand tu manges? Non. Pour épicer? Ah, pour cuire. Pour cuire. Ah. Pour le barbecue. Alors, c'est quoi? Un barbecue automatique, genre. Non. Du charbon qui dure longtemps. C'est un peu décevant, hein, mais c'est le sponsor de cette émission. Ah. Et on les applaudit, merci à Charbon Ardent. Non, c'est pas genre du charbon qui en plus parfume la viande. Non, alors c'est vraiment le barbecue. Charbon Ardent. L'appareil. Charbon Ardent, il a joué dans 8 flammes. Oh. Pardon, je suis un. Ah si, oui, d'accord. Simplement un poète, là, à ce niveau-là. J'ai... Ouais, oui. Si, c'est ok. Elle est un peu arrivée comme un cheveu dans la soupe, la blague, mais elle était bien. C'était ça qui m'a surpris. C'est genre, qu'est-ce qu'il raconte? Il est dans sa bulle. Mais donc, bien. C'est un barbecue, mais il a une spécificité, ce barbecue. Il y a pas d'odeur. Il y a pas de feu. Alors, il y a du feu, il y a de l'odeur. Il y en a. Ah, si, oh là là. Est-ce qu'il retourne les trucs tout seul? Non, mais ça, je crois que ça existe déjà. Ah, ouais, ouais. Ah, c'est un barbecue de poche. Très bonne réponse d'Antoine Piombino. Un barbecue portable, en tout cas. Tout ce qui est la flamme, la grillade, je suis dedans. Il est peu encombrant, pliable et très facile d'utilisation. Ce n'est pas plus compliqué que d'utiliser un réchaud et c'est bien meilleur. Nous promet le retraité qui est un sac de charbon à côté. Donc, bien meilleur que quoi? Tu dois mettre les merguez dans la poche. Ah bah oui, c'est normal, ça n'a rien à voir. C'est bien meilleur pour faire un barbecue un réchaud vu que ça n'est pas du tout adapté pour ça. C'est meilleur que si tu laisses la viande cuire toute seule au soleil. Oui, d'accord. Oui, bien mieux qu'une loupe. Tu consommes comme ça. Oui, mais c'est meilleur, oui, oui. Donc, c'est l'appareil fait pour. Ce barbecue est composé de pics à brochettes et de 11 pièces en acier inoxydable qui sont résistantes à la chaleur. Déjà, c'est inopé, là. Enfin, c'est vraiment, on dirait du public reportage. Je vous explique ce que c'est. Il suffit d'assembler le tout et cela forme un trépied. Tu t'es infiltré dans le monde du barbecue. J'ai l'impression. Alors, il a eu l'autorisation de. Il a dit que j'avais le droit d'y aller. Patrick Alran prend une utilisation enfantine. C'est très facile à assembler et à démonter. Ça prend que quelques secondes. L'appareil prend peu de place et peut être tout à fait rangé dans un sac à dos. Il pèse un peu plus d'un kilo. Donc ma question c'est qui a envie en randonnée de se faire un petit barbecue Non, c'est l'enfer. Mais surtout, faut du charbon. Surtout, ça se comprend pas bien cette aventure là. Ouais. Oui, non, mais en plus, Si t'es en randonnée, tu te fais un feu et tu ouais. fais cuire ta viande sur le feu, quoi. Ouais, mais il y a des amoureux du barbecue. On est dans un pays où ça oui, fait un bad buzz tout un été. Tu fais du, parce tu fais que un feu. A dit que c'était parce que tu fais un feu, tu mets une grille dessus et c'est un barbecue. C'est ouais, ça. Ouais, que t'as pas tes 12 piques à brochette en acier inoxydable. Oui, mais l'acier inoxydable. Non, mais s'il vous plaît. Encore une fois, ils sponsorisent pas l'émission, mais ils sont top, par contre. Ouais, parce qu'en forêt, t'as pas ça. La semaine dernière est sorti le classement des villes les plus propres du monde. Alors, je vous demande pas forcément la ville, mais je vous demande dans quel pays se trouve. Il y a Singapour déjà. Singapour est dans le top. Corée. Suède. Alors, Suède fait partie du top, c'est pas le numéro 1. La Finlande. Alors, attendez, je vais vous dire quelle ville à chaque fois quand même. Suède, c'est Stockholm. La Finlande ne fait pas partie du top. Attends, là, Corée, on cherche des pays. Corée. Voilà, le pays numéro 1. Corée. Je vais dire deux fois, personne m'écoute. Corée. Si, si. Mais la Corée n'en fait pas partie. Le. Attends. Bah, dis-le Singapour, moi. Singapour, ça, je passe à autre chose, tu vois. Singapour, c'est un pays. Oui, mais c'est aussi une ville. En fait, oui. La ville de Singapour à Singapour, c'est comme le Luxembourg. Oui, oui, d'accord. Ouais. Mais c'est pas premier ? Non. C'est comme parce le Canada. Je crois que t'as une amende si tu jettes un chewing-gum par terre à Singapour. En fait, tu ne peux même pas acheter de chewing-gum partout, je crois. Ah ouais ? Je pense. Non, mais à Singapour. Mais c'est peine de mort. C'est ça. pas avoir d'une balle dans la nuque, ouais. C'est vraiment. Même la rue. Non, à Singapour. Comme les poulets. À Singapour, tu ne peux même pas en acheter. C'est-à-dire qu'à Singapour, tu peux, ils ne vendent pas de chewing-gum. Comme ça, tu es sûr de pas les. Si je peux faire, on parlait de bouffe, si je peux faire un SO au vermicelle sauté façon Singapour, voilà, c'est un plat. Ah c'est, ouais, c'est bah, délicieux. Tu te rends compte c'est une reco culinaire. Goûtez ça si vous le trouvez. Quoi. Singapour. Bah, le Japon, non Alors, le Japon, la ville de Kobe, Kobe je sais pas, Kobe Ryan. Bah, Ryan. Comme Ryan. Le bœuf de Kobe. Le Kobe, voilà. Kobe, c'est ça. C'est pas numéro 1 Non, non, non. Non, non. Ah, le Vatican est en premier. Non, juste pour le Vatican, le Mexique, très sale, ouais. Ouais, dégueulasse. Surtout dans les pratiques. Oh, et bim. Il dénonce. Non mais. Oui. À Kobe, il y a très peu de attends, de... quoi, Kobe? Ah, c'est fabuleux. Ça là, devait tu arriver. Peux. Tu peux couper, c'est la fin, non? J'ai tous les crampetés. Il a tous les crampetés. Il y a la Suisse. Danemark. Il y a la Suisse. Ah. Non, il y a pas le Danemark. Ah, l'Islande. Pas l'Islande, Berne en Suisse, effectivement. Luxembourg. Okay, la ville de Luxembourg. Dit, Luxembourg. Non, mais je vous en dis quelques-unes. Oui, je vous donne pas le numéro 1, c'est le numéro 1. Le, numéro 1. Ah, le Liechtenstein. Pas le Liechtenstein. C'est un petit pays, c'est un truc à. Ah non, c'est un gros pays. Ah, c'est un gros pays. Le numéro 1, c'est un énorme pays. Ah, mais attends. C'est la Russie. Non. C'est pas le pays le plus propre, c'est la ville dans ouais. laquelle. C'est ça, je vous demande pas la ville parce que c'est le pays très dans lequel il y a la ville. Mais c'est pas la capitale, c'est une des villes. C'est les États-Unis ? C'est pas les États-Unis. Allez, quels sont les autres gros pays? Ouais, dans ma tête de mec qui a quitté l'école. La Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande est deuxième, troisième, pardon, classée la Chine parmi les villes les plus agréables du monde. Bah, il y a la comté. Ouais, de. C'est ouais. Des anneaux, t'es un pur geek, toi. Ah ouais, c'est hyper propre dans le film. Ah oui, avec la maison de Bilbon. Ouais. C'est hyper propre. Moi, je dis les noms en français. Mais toi, t'as lu les bouquins avant de voir les films, de toute façon. Ouais, j'ai lu les bouquins. De toute façon, Gandalf, c'était un capin, si tu veux. Alors il y a aussi le Maroc numéro 2 avec la ville d'Ifrane. Attends, ils sont ex-aequo ? Non non. Non mais t'as dit que Nouvelle-Zélande ils étaient numéro 3 la Nouvelle-Zélande. Tu t'es trompé. De... Mais il s'agit d'une ville mais c'est absurde. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette émission. C'est vrai. Être inexact. C'est le côté faux. C'est une personnalité. Dire des bêtises pures et simples. Je peux enlever la banderole qui dit que je suis un trou du cul non, parce que... Ne dis pas que c'est la France. Non, bah non, la France n'est même pas dans le top 10. Ouais. Ah bah ça va pas être Paris. Non, parce que quand tu vois. Non, mais Hidalgo, ouais. Oh non, là, là, il y a là, des rares. Là, il va y avoir un cimetière de trottinettes. Oh là, putain. Oh là, non, mais là. Tu peux plus, hein. Alors. Non, mais l'Allemagne. Pas l'Allemagne. Ah, pas con. L'Autriche. Cela dit, la ville de Fribourg est dans le top 10 aussi. Ouais, ouais, pas numéro 1. Je m'en doutais. Pas les Pays-Bas. Donc, vous avez dit Nouvelle-Zélande, Allemagne, Singapour, Japon, Suède, Luxembourg, Suisse. Il me manque juste le numéro 1. Attends, Fribourg, c'est pas en Suisse ? C'est en Allemagne. On a dit Danemark. Ah, il y a Fribourg en Allemagne et en Suisse. Danemark, Suède, Finlande, Norvège. Ouais. On a dit tout ça. Ouais, bah, je l'ai redit pour être sûr. Ça l'a dit, ça peut arriver que ce soit, on l'ait déjà dit. Oui, oui, oui. Passé, oh là là. On a dit. Non, non, numéro 1. Chose. Un grand pays. Vous avez dit États-Unis, vous étiez pas si loin. Le Canada. Le Canada. Ah, mais oui, bien sûr. La ville de Calgary. Il y a de la neige. Tout est recouvert par la neige, donc tu crois que c'est propre. En fait, c'est immonde. Cette ville du Grand Ouest canadien est peu connue des touristes. Pourtant, elle peut se vanter d'être considérée comme la ville la plus propre. Calgary, c'est ça ? Calgary. En effet, investi dans un système haut de gamme de purification des eaux usées et dans la diminution des déchets enfouis. À Calgary, jeter ses déchets par terre peut coûter jusqu'à 1 000 $. C'est cher. Bah, c'est vraiment cher. C'est très cher. C'est, tu l'as dit sur un ton de. Non, à ce prix-là, je le jette ouais, pas. C'est exactement non, ça. Ça vaut pas le coup. 800, je jette la canette. Un youtubeur pourrait faire une vidéo genre ouais. J'ai payé 1000 balles pour avoir l'autorisation de payer. Et un autre youtubeur pourrait investiguer et infiltrer le milieu des déchets. En Corée du Sud, les habitants vont tous rajeunir d'un an à partir du 28 juin. Pourquoi ? Quoi ? Ah, bah, parce qu'en fait, Bah ça marche. Il comptait mal les années. Alors, il y a un peu de ça. Il y a un changement de calendrier, quoi. Pas un changement de calendrier. Oui, il y a des gens dans mon hall d'immeuble. Ouais, bah, ça donne de la vie. Il y a un chiffre qui porte malheur et ils le font sauter dans l'âge. Ah, comme les étages 13 dans les hôtels. Ouais, ou 4 au Japon. Ah, ah ouais. Savais pas. Ah, vous saviez pas? Non. Ah, mais au Japon, c'est quoi l'otaku là? Non, il m'arrive d'aller de temps en temps au restaurant japonais, mais. Ouais. Non, mais. Y a pas de... Il me semble que. Alors, du coup, vous me faites giga. Non, mais je vais le dire avec assurance. Vas-y, de toute façon. 4, c'est un chiffre qui porte malheur en Asie, et je crois que, genre, y a pas de 4ème étage, mais pas de 4ème rangée dans les avions, etc. Parce que je crois que phonétiquement. C'est proche du mot mort ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. Je crois que c'est ça. Non, mais... Bien joué. Vous êtes cultivé. En tout cas, il y avait de la certitude. C'est vrai ou quoi? Moi, si c'est faux, j'ai envie d'y croire. Ouais, un truc dans le genre. T'es pas en train de vérifier ça, hein? Non, d'accord. Non, mais fais-le. Donc, oui, en Corée du Sud, les habitants vont tous réagir d'un an à partir du 28 juin. Je vous demande pourquoi. Donc, effectivement, quelque chose va changer. Mais c'est pas parce que jusqu'à présent, ils comptaient les années à partir de l'an 0 et maintenant c'est à partir de l'an 1 ou alors un truc comme ça. On s'approche, mais c'est pas vraiment ça. Ils ont dit, c'est nique Jésus, on prend un autre gars qui est né un an avant. Attends, je crois qu'il y a un update. Le chiffre 4 est maléfique en Chine et au Japon. Bien joué. Bien joué. Et pour cause, en mandarin, cantonais et japonais, sa prononciation est très proche de celle du mot mort. Oh là là, putain. Érudit. Pardon. Ah non, mais dans ta gueule, Stéphane Bern. Ah, et ça a un nom, ça s'appelle la tétraphobie. Et en gros, dans les ascenseurs, il n'y a pas de quatrième étage et tout. Genre, ça va. Incroyable. Ça va loin. Il leur manque un Fast and Furious, ça veut dire. Ils passent du 3 au 5 direct. Wow. Ils doivent plus rien comprendre. Alors que Fast and Furious mort. Ouais, tu vas direct. C'est ouf. C'est vrai, cela dit. Donc la Corée du Sud, alors effectivement, c'est un truc qui a changé dans leur façon de compter les années. Alors c'est pas par rapport à Jésus, c'est vraiment par rapport à... Ah, ils arrêtent les années bissextiles ou un truc comme ça? Non, c'est pas ça. Il y a un mois qui chope un jour de plus et du coup en cumulé ça... Non, non, non, non, non. Attends, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient majeurs et maintenant plus? Bah du coup, ouais. Et donc ils peuvent plus boire d'alcool? Bah je sais pas, je connais pas très bien comment ça fonctionne chez eux, mais oui, je pense, j'imagine en tout cas, oui, qu'il doit y avoir un truc comme ça. Attends, mais c'est fou là. La raison de pourquoi c'est arrivé, elle est assez marrante. C'est parce qu'en fait, il y avait une façon de faire en Corée du Sud que moi j'ignorais. Qui devient maintenant celle du monde en fait. Ils avaient une façon de compter les années. Ah, quand tu naissais, t'avais un an. Très bonne réponse. Ah, oui. Ils comptaient l'âge à partir de la conception présumée en tout cas. Et, avant la gestion dans le corps. Avant de. Enfin, tu vois, en fait, en gros, t'es considéré comme existant à partir du moment où t'es dans le ventre de ta mère, quoi. Mmh. Ouais, c'est un débat. Ouais. Mais en tout cas, ça va changer. Et maintenant, du coup, tous les gens vont rajeunir au final. C'est vrai. Parce qu'ils enlèvent l'année, enfin les 9 mois que tu passes dans le corps de ta mère. Donc c'est pas vraiment d'un an, mais c'est de 9 mois, quoi. Et donc, oui, donc ils vont tous rajeunir. Il y a des gens, ils vont fêter leurs 18 ans ce jour-là. Deux fois. Bah, écoute, c'est un peu fou quand même. Vous êtes là comme fou. Si c'était normal. Non, c'est incroyable. Dingo, je suis d'accord. C'est ma boule. Ouais. C'est complètement dingo. C'est dingo. Ni plus ni moins dingo. En parlant d'anniversaire, est-ce que vous aimez fêter votre anniversaire? Est-ce que vous êtes vous êtes comment là-dessus, Fanny? Non, moi j'aime pas trop. Parce que t'as carrément un spectacle qui s'appelle Bon anniversaire Jean. Ouais. Donc pour moi, t'adores les anniversaires. Bon anniversaire Fanny. Ouais. C'est vrai. J'ai hésité. Non, en fait, je trouve ça fou de se dire regardez, je suis tellement cool, on va me fêter. Alors t'as rien fait quoi. Quel t'es événement t'es on a vu au monde. Ouais. Ouais. C'est ça. Il faudrait célébrer tes parents si à la limite faut fêter quelqu'un qui a fait un truc. Ouais, mais d'un côté, ça fait très suceur, quoi. Ouais. Et en plus, ils ont pas fait grand-chose non plus. Ouais. Et ça, à part baiser. Ouf. Ouais. Ce qui est déjà sexe. Ouais, franchement, bravo à eux. Bravo à eux. Franchement, trop stylé. Je leur envie ça, quand même. Mais bien joué. Eh, en vrai, bien joué de leur part. Bien joué, mon baron. Ouais. Hey, ils ont bien baisé. Ils ont bien baisé. Même le concept de faire une grosse teuf. À ce moment-là, dis juste, on fait une grosse teuf, tu vois. Mais tu décides un peu, quand même. T'es un peu la reine de la soirée. J'aime pas. Bah non, t'aimes pas. Non, c'est une en question. Fait, j'aime pas parce que je trouve les gens, ils ont des façons tellement différentes de s'amuser que j'ai pas envie d'en choisir une. Ouais. Par contre, un truc qui me ferait kiffer de ouf, c'est alors ça va être peut-être un peu long pour l'intérêt de l'histoire, mais vas-y, l'autre jour, on est avec un pote, on est 4-5, on joue à Buzz machin sur PlayStation 2, genre, bien tu vois. Le quiz de... là, ouais, avec, ouais, le vraiment. Présentateur qui ressemble un peu à Laurent Ruquier. Non, à Johnny Bravo, genre. Oui, bah un peu, mais il a des lunettes, non? Oh, c'est possible. Vous embrouillez un mélange pas. Entre Ruquier. Je comprends toujours les deux. Ouais. Mais non, mon pote gagne. Et le lendemain, je me dis, putain, imagine, on fait tous une énorme teuf surprise, juste parce qu'il a gagné le jeu, ouais, et on met des banderoles genre bravo d'avoir gagné, ouais. Et des trucs complètement inutiles comme ça, ça me ferait gaulerie. Ouais, ça t'aimerais bien. Tu vois, des trucs bien. Gratuits, ouais. ça me fait marrer. Mais sinon, les anniversaires, je trouve, c'est mettre beaucoup d'attentes sur un truc où on s'en fout. C'est comme le nouvel an et tout, il y a trop d'attentes. Je suis d'accord. Ouais, d'accord. C'est cool comme idée parce que anniversaire surprise, tu dis, ouais, c'est pas vraiment une surprise parce que c'est ton anniversaire. Si tu fais une fête surprise vraiment un jour random, de gagné à buzz, ça c'est stylé. Non, ou même pour rien, tu sais. Tu rentres chez toi, il y a des gens, ouais, bah c'est fête surprise. Là, c'est une vraie surprise, attention. J'en ai déjà parlé dans ces émissions, mais moi, c'est ce que ma compagne m'a fait vivre un petit peu, puisque je suis né le 21 juillet et elle m'a fait une fête d'anniversaire mi-octobre. Du coup, s'y attendait pas. Et une fête surprise. Ah, tu la vois pas venir. Ça. Ah bah là, il y a eu une vraie surprise. Avec un roast. Et un roast, et où on m'a roasté pour mon anniversaire, dont Adrien qui m'a. Bah toi, t'aimes bien, toi. Franchement, en vrai, tes anniversaires, tu te régales, non? Ouais, mais c'est dans des apparts et c'est jamais. C'est un enfant roi aussi, lui. c'est enfant le roi. Oh, c'est riche sur tous vos écrans. C'est Richie Rich, quoi. Non, mais c'est. Oui, mais je suis un enfant roi. Écoutez, la chanson de Bilal Hassani, il parle de moi. Non, mais moi, c'est dans des apparts. Tu es Bilal Hassani. Je suis plus ou moins Bilal Hassani. Quand il enlève sa perruque, mon sosie. Non, mais c'est dans mon appart, les anives. C'est jamais des trucs où moi, pareil, sauf organisé. Sauf dont tu parles là. Hein? Sauf la nique surprise, mais si c'est moi qui décide, oui. C'est vraiment juste une soirée dans mon appart. Enfin, tu vois, il n'y a pas un truc de faites quelque chose d'un peu. Bah, on est content de se voir. Enfin, c'est aussi une occasion de se réunir c'est l'anniversaire. C'est, sinon, on se voit quoi qu'aux enterrements. Donc, oh là là, bah, quel non, mais c'est vrai. Il n'y a pas tort. Non, mais t'es c'est... Philippe Noiret, en fait. Bon, ouais, crachez votre venin. Allez. Remets ta banderole. Non mais t'as raison. En c'est plus vrai. T'as raison. Non mais parce qu'en fait j'avoue c'est le côté mégalo genre les cadeaux machin. Ouais. Moi j'avoue que c'est un peu chiant d'être la star de l'anniversaire. Ouais. Mais un anniversaire c'est toujours cool. Ouais. Alors je voudrais en parlant des cadeaux et tout parce qu'on parle d'ego, d'aimer être le centre de l'attention. Je suis allé à l'anniversaire de Big Flo et il a fait un truc. Bon c'est dans le personnage. À raconter forcément voilà. C'est atroce genre, et c'est un trou du cul. Ça va être polarisant. Donc déjà, il y avait des PLV de lui-même. C'est quoi des PLV? Des PLV, tu sais, c'est les silhouettes découpées, les photos oh, comme wow. Ça. Donc ouais. Bah, moi, j'ai adoré. Moi, j'ai du merch. Non, mais de ça, lui-même. C'est drôle. Non, mais il a poussé le truc à l'excès. C'est-à-dire que tu pouvais acheter du merch. Du merch de, de la soirée de son anniversaire. C'est hilarant. Avec son visage. J'ai tranché. Voilà, j'ai tranché. C'est hilarant. C'est-à-dire qu'il y avait une fausse monnaie. Quand t'arrivais, il te donnait une fausse monnaie. Ah, et tu pouvais acheter du merch avec son visage dessus. J'ai un t-shirt, Big Flo. Bref. Et il a fait un truc. Il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est une grosse fête. Et mais il est connu lui. Ah, il est une célébrité. Il est célèbre. Il arrive à un stade où il remplit les stades, donc c'est pour vous dire. Et un stade où il remplit les stades. C'est Nekfeu en fait. Ben, c'est lui, c'est une chanson de lui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pardon. Oh. Il est Nekfeu en fait. Ouais, un échec commercial cette chanson, donc c'est pour ça que t'as oublié. Non, je l'écoute pas, tout simplement. Salut mon pote. Non, et du coup, il a. Vraiment, tout le monde était obligé d'être là pour l'ouverture des cadeaux. Et il jugeait. Ah oui, ça c'est il avait un micro et il l'évaluait, il donnait une note au cadeau et tout, devant tout le monde. Et il y a même un cadeau qu'il a balancé. Il a fait, oui, bon, ça, il l'a balancé. Bah, alors oui. C'était, alors. Il y a eu une intro d'Adrien. Et c'était son fils. Ouais, ouais. Adrien a prévenu, voilà, ça tranche. C'était un spectacle plus qu'un vrai, c'était plus un happening. C'est plus, non, mais on c'est est un... sur du Andy Kaufman. C'est un véritable show, là, je pense. C'est ça. C'était quoi le cadeau? Je ne me rappelle plus. Ouais. Mais le mien, il a bien aimé. Un donc vase, j'étais content. Il a joué, ça va. Mais c'est vrai que des fois, les mots étaient un peu durs, mais ça faisait partie du. Un vase Ming. Ah, oh, ouais, cette dynastie, c'est pas ma préférée. Non, mais c'était très drôle. Donc, oui, donc vous avez tous un peu répondu. Ouais, Antoine, toi, les anniversaires aussi, tu trouves. Bah, moi, j'adore. Oh, t'aimes bien faire la fête. J'adore organiser. Donc, je suis très content d'inviter faire plein des stats, de gens, etc. Ouais. J'ai fait de la data. Mais les machines m'ont remplacé, je peux plus le faire. 15% des gens risquent de manger du houmous. Non, mais et surtout, j'adore le. J'ai un peu un côté, je veux que les gens manquent de rien. Donc, ouais, coco. J'achète énormément de bouffe, énormément d'alcool, énormément de tout. Je veux que tout soit au top. Vous passez un bon moment, la musique, on la met plus fort, mais les trucs. Enfin, je veux que tout soit parfait. Ah, c'est cool. Massimo Gaggia. Mais c'est trop j'arrive, bien. J'arrive, oui, c'est, j'adore ça. Mais. C'est con que tu nous invites pas, parce que ça a l'air mal. et le moment des cadeaux, c'est toujours un moment que j'aime moins. Ah, parce qu'il y a un peu le truc de. Allez, ouvre devant tout le monde. Et. Alors j'extériorise moins que Big Flo, mais moi aussi je juge et j'arrive pas à faire semblant. Moi ça se voit quand j'aime pas un truc. Et il y a vraiment plein de fois genre ah génial un livre, je ne lis pas, tout le monde le sait putain. Et c'est vraiment bon bah trop bien. Alors tu vas voir et tout, puis tout le monde t'attend, tout le monde te regarde et c'est un peu genre j'aime pas du tout ce moment. Et en plus tu te sens obligé de faire des blagues qui tombent à côté, qui peuvent vexer les gens qu'on fout les cadeaux. Enfin bref c'est un truc que j'aime pas du tout. Mais pour reparler des Japonais. Je crois qu'au Japon, tu ouvres les cadeaux en rentrant chez toi, ah ouais. C'est la c'est coutume quoi. Ah bah moi, c'est ça, c'est trop bien quoi. Ou pire, ah ouais. C'est la carte. Oh, lis la carte. Non, non, venez, je la lis chez moi. S'il n'y a pas 50 balles dedans, quel intérêt. Alors, vieille branche, nanana. Ouais, okay, oh, lis mon mot là, je t'ai fait un dessin devant toi. Avec des tu reconnais la musique quand tu ouvres la carte là. Oui, oui. Mais allez, arrête. Un homme de 80 ans est atteint d'un mal rarissime au cerveau qui lui donne un sentiment étrange. À votre avis, quel sentiment? Il a le vertige. Non. Non, mais on est dans un truc un petit peu comme ouais. Ça. Il a une impression, une sensation. De voler. Non. Oh. Bah, c'est des mises trousseuses, ça. Ouais. Et seulement quand il aime. Alors, celle-là, elle va toucher un pourcentage. Ah ouais. Alors là, ah ouais. En termes de stats, Antoine. Ah ouais. Là, je l'ai pas à rebours. Ah ouais, je demande à ChatGPT, le chiffre est trop petit. Et comme d'habitude, il y a tous les quadras qui vont m'envoyer des DM. Oh, eh, j'ai eu la sur des mises rousseaux. Entre vieux, oui, bon bah. Oui. Et là, ils viennent de s'interrompre dans leur message parce que tu as dit. Façon, c'est quand même, non, mais ça me c'est quand même Jean-Claude Van Damme de la ref parce qu'il y a une demi-heure, il parlait des crampetés. Et là, tu vois, t'imagines un peu. Non, mais c'est l'Encarta de la vanne, il a tout. Il a tout. Déjà dans Encarta, il y a. Plus 40 ans encore, merci. Tu sais même pas. Moi ce je sais pas. Moi vous dites des mots là. Vous parlez ouais. Comme les j'adore. Sims et puis voilà. C'est Fortnite en gros. Donc oui, de quel mal rarissime a ce est atteint ce. Il a l'impression d'être sous tout le temps. Non. Oh. De. Non. De tragique. Jouir. Non, il jouit pas tout le temps. Non, mais ça. Enfin, il a pas l'impression de jouer. Il a l'impression, genre. L'inverse. Voilà, la fatigue. L'inverse de moi. Est-ce qu'on peut faire ce son qui symbolise la jouissance humaine? Oh. Ouais, vraiment, le mec. C'est ça le bruit que ça fait. Bah, moi, c'est le max du bonheur, tu vois. Quand je jouis, je fais. Oh. Pas mal. Allez. Tu m'as régalé, poupée. Ah. Ah. C'est vraiment. Oh. C'est juste une constatation. J'ai envie de. Juste la moue de Deniro là. T'as joué là? Oui, j'ai fait. Ouais. J'ai acquiescé de la tête. Ah, ok. Me fais pas cette gueule, c'est le plus beau que t'auras ce soir. Ok. Il a l'impression d'être un enfant. Non. J'espère que c'est pas il a les crampetés. Non, il a aucune crampetée. Enfin, l'histoire ne le dit pas en tout cas. Peut-être ouais. Qu'il les a, mais. Ouais. Mais est-ce que c'est dans sa perception vraiment physique ou est-ce qu'il a l'impression genre que quelqu'un le regarde quelque part? Ah non, on est plus ça, on est plus dans ce deuxième. Ah. D'ailleurs, pardon, on parlait des crampetés. Un jeune enfant que j'ai croisé comme ça m'a donné une espèce d'explication potentielle de Kwaku B. Ah, c'est Kwaku A, Kwaku B, mais c'est faux. Ah, oui, alors bon, ça, écoutez, tout le monde. J'explique aux gens quand c'est même. Moi, j'y connais rien. Ça a été débunké très vite par Adrien, mais non, je non, pas, mais vous. Moi, j'y crois. Dites-moi, j'y connais rien. Déjà, dites-moi. Parce que surtout... moi, on m'a dit juste, à la base, il n'y a rien à comprendre, c'est absurde. Ouais. Tu dis quoi, Kwaku B? Je pense que c'est la vérité. Mais quelqu'un m'a dit que potentiellement, il y avait une explication de quand tu dis Kwaku B, c'est parce que la personne dit quoi. Et quoi, c'est Kou A. Donc, Kou A, Kou B. Vu que coup A, la lettre A. Non, ça, je pense qu'ils s'en sont rendus compte après. Peut-être. Et ils ont dit, imagine. Bah, peut-être. Ouais, ça, c'est mais à poste. C'est récent. Ça, c'est à poste. Écoutez, je suis d'accord avec Fanny, moi. Je vous lance des théories. Après, vous faites ce que vous en voulez. Mais voilà. Sinon, ça vient d'où, les crampetés? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est TikTok. Cherche pas, c'est TikTok. Mais est-ce que c'est TikTok ou. Moi, je sais pas, on s'en branle en vrai. On sait pas l'origine encore de quoi. Quoi. Ouais, bon, bref. Mais du coup, on sait toujours pas ce qu'il a, ce mec. Mais je crois que quelqu'un va infiltrer bientôt les origines oui, de quoi. Ouais, bah, une vidéo YouTube. Petite vidéo YouTube qui va sortir là. Donc, alors donc c'est un truc un peu de oui de genre donner... tout le monde a été remplacé par des clones. Voilà, c'est ça. Je vais vous donner un indice qui est peut-être un peu gros mais je le tente. Tu as dit il a l'impression d'être jeune. Ça ce serait comme dans le film Big. C'est toi pardon Adrien. Non, mais... Ce serait comme dans le film Big. Et ben là son mal c'est un peu comme un autre film un peu il connu. A l'impression d'avoir rétréci les gosses. Non. Bah, vous êtes tout petit. Il a l'impression d'être à Pattaya. L'impression d'être babysitter 2. Oh, est-ce qu'on peut continuer encore ouais, allez-y, vous en prie. Mais en tout cas, c'est ça. C'est j'ai vu Babysitter 2, voilà. Babysitting, tu veux dire. Babysitting 2. Ouais. Et j'avais pas vu le 1 et j'ai suivi sans t'as problème. Gardé, ouais. Est-ce qu'il a l'impression d'épouser son pote? Non. Allez. Alors, ce n'est pas un film de Philippe Lachaud. Est-ce qu'il est stagiaire chez Google en 2004 avec Owen Wilson? Ouais. On arrête. Oh, ce film, putain. Il a l'impression d'être bronzé? Non. Ou de faire du ski bronzé, bah, peut-être. C'était ma question suivante. Mais s'il était pas bronzé, je l'aurais pas posé. J'ai l'air d'être bronzé 3. Ah, lui pour la vie, il en a dire. Honte. Il en a honte. Donc non, ce n'est pas un film français. Ok. Voilà. Ah, est-ce qu'il a l'impression d'être dans un jeu? Non, il est pas dans est-ce un qu'il a l'impression d'être allé dans le passé pour baiser sa mère? Non, pas est-ce du tout. Est-ce qu'il a l'impression. Mais est-ce qu'il a baisé sa mère? Il a pas. Alors l'histoire ne le dit pas. Mais il pourrait l'avoir fait. Bon, d'accord. Il a 80 ans, il a vu des choses. Pas qu'il l'a fait. Est-ce qu'il a porté un anneau jusqu'au Mordor? Il a l'impression, en tout cas. Il a l'impression de l'avoir fait. Non, mais quand je disais Big, toi tu parles de Retour vers le futur. Ah, il a l'impression de rajeunir. Non, mais on est sur un film très connu. Tu l'as ou pas? Je la rêve. J'adore Sinoche. Il a l'impression de pas être dans la bonne époque. Non, on est sur un. On est sur un truc d'époque un peu. La belle époque. Un truc. Est-ce qu'il a l'impression d'être intouchable? Non. Ah non, mais non, non. T'as dit c'est pas un film français. Non, pensez film connu des années 80. Et est-ce qu'il aurait Gilles de Tess? Il a l'impression d'être un requin. Il a l'impression d'être un prince à New York. Est-ce qu'il est incorruptible? Je veux dire. Est-ce qu'il croit être un indien dans la ville? Ah, il croit que c'est un flic à Miami. C'est que je vais être drôle, pardon, mais. Ou à Beverly Hills, peut-être. De Beverly. En fait, ça marche pour tous les putains de films. Et c'est trop marrant. Mais vous avez pas encore trouvé le bon, hélas. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il doit courir? Est-ce qu'il est un robot? Non, pas d'être un robot. Un flic robot? Mi-flic, mi-robot, 100%. Non, mi-flic, mi-humain, 100% robot? Non, non, c'est non. Mi-flic. Non, mi-homme, mi-robot, 100% flic. Ouais, c'est non. Ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, non. Est-ce qu'il est Bjorg en Dead Series The Dark? Non, il est pas Bjorg. Bjorg est est-ce qu'il peut être un super-héros? Pas un super-héros. Oh. Mais on s'approche. Invisible? Non, pas invisible. D'être la scie? Non, pas la scie. Il est ni fidèle ni un chien. Oh, putain. Dans les années 80. Il a l'impression d'avoir voyagé dans le temps? Non, de ça a été proposé. Retour dans, non, non, pas Retour vers le futur. Pas un super-héros, un alien? Non, un film des années 80 très connu que tout le monde sait. Oh, c'est une des comédies. D'être un agent secret. Ah, pas une comédie. Les Goonies, pas les Goonies. Il a l'impression d'avoir découvert un trésor. Il a l'impression d'avoir sauvé la maison de sa mère en ayant découvert un trésor. Avec l'aide d'un. Ah, mais c'est un mal rarissime. Hein. Est-ce qu'il a l'impression d'avoir joué un jeu de société et se retrouve dans la jungle? Non, non, toujours pas. Alors attends, une comédie, t'as dit? Comédie culte des années 80. Ah, de revivre le même jour. Exactement. Il a l'impression de vivre sans cesse la même journée comme dans le film. Un jour sans c'est fin. C'est le mais retour de la drogue. Ouais, parce que moi j'ai eu ça pendant j'avais fumé et je regarde un match quoi de foot et j'ai eu l'impression de l'avoir déjà vu et déjà ça c'était horrible alors que ça durait que 90 minutes. Donc je me dis le même jour ça doit être horrible. C'est fou. C'est la drogue sur la perception du temps. Moi ça je savais pas du tout que ça allait faire ça, ça m'a glacé le sang. Le fait de j'ai eu un moment ma meuf m'avait laissé tout seul. Et vraiment j'ai l'impression qu'elle était partie une encore journée une fois, entière. Ça c'est un chien aussi hein. Donc là je me mets devant la porte, je tourne en rond sur moi-même. Je gratte. Je commence à gratter. Voilà. Je commence à donner des coups de nez sur ma. Je crie. Quelqu'un frappe. Bon bah, je m'énerve, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Je hurle. Mais ça va pas non. Ouais, et en fait elle était partie vraiment littéralement 10 minutes. Et j'avais l'impression qu'elle était partie 3 heures quoi. Ça m'a glacé le sang. Ah ça devait être terrible. Mais donc, c'est pas quelqu'un qui s'ennuie juste tout simplement. Non, écoute, chaque jour est une répétition du jour précédent où que j'aille, les mêmes personnes se trouvent sur le bord de la route. Les mêmes voitures se mettent derrière moi avec les mêmes conducteurs à l'intérieur, rien n'est nouveau. L'homme de 80 ans qui livre ce témoignage dans une étude de, dans ce cas publié dans le BMJ. Oui, bah alors il a qu'à jouer au loto pour le trouver, ce monsieur. Est-ce que c'est l'inverse d'Alzheimer? Oui, c'est alors justement, c'est lié à Alzheimer. Ah. Lui, il est atteint d'un syndrome qui s'appelle le déjà vécu with recollective confabulation, qui lui donne l'impression de revivre sans cesse la même journée. Il confie avoir apporté cette vision à réparer à force d'y voir toujours les mêmes informations. Les auteurs de l'étude ont repéré dans le cerveau de l'octogénaire des biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer, bien que rare, c'est un phénomène fascinant qui peut fournir un aperçu unique de la mémoire et des processus délirants de la démence. Et est-ce que d'abord il a utilisé ça pour séduire une femme et finalement il s'est dit que il a essayé de se tuer et de devenir une meilleure personne peut-être non? Bah écoute, non. Visiblement non, mais ouais c'est un cas rarissime en tout cas. Eh ben. Mais bravo à lui. Bravo, on l'applaudit. Bah, il écoute l'émission, mais il l'a déjà écouté donc ouais, il s'en fout, il connaît les vannes. C'est toujours la même chose ce podcast. Cela dit, c'était pas fou. Ah, il y a toujours les deux cons. Bah, il y a des imitations et ça parle de sperme. Oui, bon, ça a pas bougé. La famille royale propose un CDI payé 40 000 euros pour 37 heures hebdomadaires. Pour quel métier, selon vous? Testeur de toboggan. Mais que de la famille royale. Ouais. Ce premier chien. Ouais, non, là, le fameux là. Corgi. Oh, non, mais je connais. Ah, la famille royale anglaise. Ah oui, royale anglaise, pardon. Tu pensais à la famille royale belge philippine. Bah, ouais. Voilà, je me dis, non, pas 40 000 euros, mais bon. anglaise. Non, on parle. Est-ce de... que c'est un truc de sécurité? Charles, non, pas goûter de sécurité. Goûter les plats? Pas de goûter les plats. C'est un truc un peu superficiel. Selon moi, oui, mais peut-être pour des gens. Pour les vêtements, rapport aux vêtements. Non, pas. Le masser. Là, on parle d'un truc un peu tech, un peu. Ah. Ah, j'ai piqué ton attention. Ah, pour mettre à jour son téléphone. Non. Non, mais community manager. Alors, j'attends une réponse plus précise. Poster des photos d'eux sur Instagram. Alors. Répondre aux commentaires. Non. Non. C'est pas sur Insta, mais c'est tu t'es très. Twitter. Presque. TikTok. Gérer le TikTok de la famille royale. Wow. Donc faire dire Kwakubé au roi, pour moi, c'est la seule unique. Si vous gérez TikTok, j'ai un boulot pour vous. Charles III, le roi d'Angleterre, et Camilla recrutent un spécialiste TikTok pour produire des formats innovants pour le compte de la couronne. Aujourd'hui, le compte Insta de la famille royale cumule 14 millions d'abonnés, mais le compte TikTok est à la traîne. Aïe. Le roi Charles et la reine Camilla cherchent à continuer à développer leur image en ligne, notamment sur les réseaux sociaux YouTube et TikTok. Il s'agit de trouver de nouvelles façons de maintenir la présence du roi et de la reine aux yeux du public sur la scène mondiale. En termes de réseaux sociaux, vous êtes comment, vous, en termes de consommation, par exemple, Fanny? Toi, tu es assez addict, tout ça va? Ça dépend. Ouais. Je regarde quand même beaucoup. Je pense à perdre beaucoup de temps, genre le matin. Je traîne 40 minutes au lit juste pour checker littéralement rien. Et d'accord. Ce qui est horrible, c'est que du coup, je me suis déconnectée de tout. Et puis maintenant, je check juste la page d'accueil Twitter où c'est même pas les gens que je suis, c'est juste des gens random dans le monde qui parlent de trucs que je connais pas. Ah, ouais. Du coup, je me retrouve sur la page Wikipédia de Kenza Poupette, je sais pas quoi. Je suis là, mais qui est cette personne? Mais je crois que c'est elle qui a dû se faire offrir un quick gratos. Je pense que c'est comme ça. Ah ben c'est peut-être pour ça, ouais. T'as vu la news comme ça. J'ai passé tellement de temps à faire de la merde comme ça. Mais ouais, des fois je coupe et ça va. Après il y a le métier aussi quand même qui va. Oui, un peu mais ça je suis obligée. De... Toujours un peu une raison légitime, mais qui me sert d'excuse de ouf quoi. Ouais. Mais après toi t'as que Insta, Twitter, t'es toujours sur Twitter aussi? Ouais, j'aime bien, je trouve ça marrant quand même. Ouais, c'est un peu marrant. Toi Antoine? Alors moi, j'ai l'impression que t'as passé un peu la seconde sur les réseaux parce qu'avec la tournée, avec le spectacle. Moi je suis visionnaire puisque il y a de ça un an et demi, j'ai dit TikTok ça marchera jamais, je vais pas l'installer. Voilà. Ça je l'ai pas. Le flair. J'ai rien. Ouais. Moi je suis le gars, je me souviens. J'avais dit au moment où MSN commençait à s'arrêter, où ça s'est arrêté, j'ai fait au moment où Facebook arrivait, je fais Facebook c'est une bulle. Dans 5 ans ça n'existe plus. Du pif, hein. C'est genre la première entreprise mondiale, non? Ceci étant, t'as été un des premiers Français à lancer un podcast. Oui. Donc c'est pas mal. Un des premiers aussi à avoir critiqué le métaverse. Ouais. Et on rappelle que ton métier c'était de faire des stats pour faire des prédictions, des trucs comme ça. Ouais, et j'étais le futur. Facebook. À côté de la plaque. Non mais tech, j'avais le pif. Tes clients, Moi j'aimerais vraiment arrêter Twitter. J'utilise plus du tout pour communiquer. Je tweete pas. Puis en fait tweeter, on en avait parlé une fois, c'est genre dès que j'écris un tweet, c'est un peu vénère, je le supprime dans les 2 heures. Ah ok. Tu sais, il y a un truc de ah, je trouvais que c'était un bon mot il y a 2 heures. Là, j'assume plus du tout. Je déteste. Allez, salut. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime bien les stories parce que ça disparaît. Il y a un truc qui est cool, quoi. Ça disparaît. Et Twitter, j'aimerais vraiment arrêter, mais je l'ai désinstallé du tel. Mais maintenant, je l'ouvre sous Chrome. Ah ouais, j'ai fait ça. Donc ça règle aussi aucun problème. C'est juste moins pratique parce que ça bug. J'ai eu ça. Supprimé ton compte. Et ma meuf, elle en a ras le cul. Même les gens n'ont. Parce que même là, tu vois, là, je l'ai pas fait. Mais même moi, je peux pas regarder un film. Au bout d'une demi-heure, je fais tiens, je vais checker. Alors que je check rien. Ah oui, d'accord. Je suis rien des trucs qui m'intéressent. Enfin, c'est vraiment juste. Ah, ça, c'est quoi? Quoi, Koubé? Allez, d'accord. Non, mais tu sais, c'est vraiment. Ça a aucun sens. C'est juste mon cerveau a besoin de. C'est de la cam, quoi. Tu vois, c'est de la saloperie. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu le même truc qu'avec la bouffe. Tu vois, il y a un truc de remplissage du temps aussi. Ouais, c'est pareil avec tout. Genre là, j'étais au ciné juste avant. J'ai passé la totalité du temps à me bouffer les ongles parce que je ne sais pas rester inactive. Je ne sais plus faire ça. Ouais. Quoi. C'est un peu le même fonctionnement, j'ai l'impression. Putain. Et dans le genre un peu boomer, moi sur Insta, c'était vraiment j'ouvre juste les stories et après je fais il n'y a plus de story à mater et je me casse. Ouais. Et je savais pas qu'on pouvait scroller vers le bas des reels. Moi j'ai jamais regardé les reels en fait. Il y a un truc. J'ai vu Étienne faire ça, je fais. Wow, on peut faire ça, tu sais, c'est vraiment. Ah oui, d'accord, maintenant on peut devenir. Toi, tu croyais qu'il y avait un Reels et tu faisais bon, bah voilà, j'ai vu tout Instagram. Non, mais du coup, moi je découvre pas de contenu sur Insta. Ouais, ouais. Enfin, moi, ce que tu veux dire. Moi non plus. Enfin, non, même mais, si quand, je non mais quand tu scrolles les Reels au bout du deuxième, c'est un compte que je suis pas, quoi. Oui, bien sûr. Tu vois, alors que j'ai jamais fait ça et donc du coup, je ça t'ouvre une porte à. J'étais fermé dans mon petit univers, vous voyez ce que je veux dire. Je vois bien. Mais moi, c'est ça un peu que j'aime bien dans Insta aussi. Ouais, ça c'est cool, ouais. Un peu, justement, fermé dans ton truc. Ouais. C'est ce que j'aime bien par rapport à Twitter. Et encore, ils ont un peu ouvert, hein, parce que moi j'aimais bien sur Insta, parce que j'ai mis toutes les stories en mute. Moi je regarde pas les stories, enfin je regarde les stories quand j'ai envie de voir ce qu'ils racontent, quoi. J'ai pas de notification. Ben super, crée du contenu, tu t'en fous. Et quand je descends, maintenant quand tu scrolles les publications, des fois t'as quand même aussi des publications de gens que tu suis pas. Oui. Mais pas que des reels, je parle des posts même. Ouais, mais ça, tu peux les désactiver. Ah, ben alors ça, je le savais pas. Oui. Comme quoi, tu ce petit cliques podcast, sur la croix et tu. Alors tu peux les désactiver pendant 30 jours, après faut le refaire au bout de 30 jours, mais bon. C'est... Mais moi, mon Insta, moi c'est un peu un. Parce qu'au début de l'année, je me suis abonné à plein de comptes d'humoristes. De scènes de peur et tout, Mais moi, c'est spammé, c'est un truc, c'est absurde. Ouais, ouais. Toutes mes recos, tous mes trucs, c'est de l'humour, de l'humour, de l'humour, de l'humour. J'ai l'impression qu'ils ont passé un peu la seconde aussi, les humoristes. Ah ouais. Enfin, genre maintenant, il y a beaucoup d'extraits très courts. Mais beaucoup de, ouais, d'impro, ouais, tout le temps les mêmes. Sur l'actu, en plus, enfin, tu vois, il y a beaucoup. Même du petit jugement, par contre. Non, non, mais c'est juste, voilà, une impro, il y en a qui sont super et voilà. Il y a la course à poster des petits moments, en tout cas. Je veux dire, demander à quelqu'un son métier et après, t'es hyper étonné par le métier. Alors voilà, qu'il est pas si étonnant. Tu fais quoi? Facteur. Facteur. Mais non, mais genre des lettres. Oui, bah c'est pas. Mec, c'est... Allez, venez me voir tous les jeudis. Et après avec une question, ouais, est-ce qu'un coup t'as déjà eu une lettre de cul ou tu vois, tu vois le truc. Ouais. Mais après j'avais discuté avec un humoriste qui disait, moi j'ai des fois rien à poster, mais c'est ma prod qui me pousse au cul quoi. En mode, ouais, tant pis, tu postes, même si c'est pas marrant quoi, parce que des fois, ouais, je vois passer des trucs, je fais. Mec, il y a même pas de rire sale. Enfin, c'est-à-dire, je sais même pas pourquoi t'as posté ça. Et en fait, ouais, c'est faut occuper l'espace. La prod, elle met pas le couteau sous la gorge non plus, quoi. Il y en a. Je pense quand t'es pas si fat que ça, c'est le rapport. Il est un quand peu inversé avec la prod. Aussi, hein. Oui, bah... mais attention, ce mec-là, dans le milieu, il se laisse pas faire. Ouais, c'est ça aussi. Ah ouais, toi, tu viens avec ton couteau en réunion, toi. Ouais. Est-ce que c'est ça? C'est un papillon. C'est un nunchak. J'en ai un deuxième dans la poche. Moi, ce métier, j'en ai pas besoin. Si je me grille, j'en ai rien à foutre. écoutez les amis, ça fait déjà 1h20 qu'on parle. Oh là là. Et donc je vais faire un petit tour de table pour avoir vos recommandations culturelles. S'il y a des choses que vous avez appréciées. T'étais au Cinoche toi, Yassine, t'es allé voir quoi si on peut savoir? Je suis allé voir Marinette. Bah bien sûr. C'était bien. Ah oui, elle est Je vous ai dit que j'adorais le football. Ça, t'es vu, t'as un t-shirt Adidas, attends, t'as le refus. Bah, Manchester United. Oui, bien sûr, je connais. Non, je connais pas, je connais pas. L'autre équipe de Manchester. Il y a deux équipes de la même ville. Ouais. Chelsea. Ouais, c'est ça. Non, bah oui, Marinette sur Marinette Pichon, du bien coup, sûr, ancienne internationale française. Ouais. L'histoire est folle, ouais. Marinette incroyable, Garance, je sais plus son nom, ouais, incroyable. Qui était dans Grave aussi, super actrice. Ouais. Ouais, ouais. Mais le film en lui-même est pas fou. Ça t'a pas régalé. D'accord, okay. Mais je trouve là, ça, au début, ça fait un peu Wikipédia, on te montre juste les étapes sans montrer de situation vraiment hyper incarnée et tout. Okay. Seulement à la deuxième moitié du film que là, tu te dis ok, c'est raconté de manière. C'est très dur de raconter le football en plus. Moi, je trouve qu'au cinéma, il y a peu de films hein, qui. Il y a 3-0, bien sûr, avec Gérard Lanvin. Il y a coup de tête. Voilà, oui, il y a coup de tête. Mais c'est dur de filmer le football. En vérité, mais ouais, c'est... même des séries, moi Ted Lasso j'ai adoré, ouais, mais voilà, toutes les scènes de foot sont gênantes quoi. C'est bizarre, c'est horrible. Ouais. Tu dirais des gamins qui jouent parce que c'est pas bien fait, c'est trop, et tu dis ils sont censés être au top de la première ligue, bah non. Ouais. Donc, c'est voilà. Bah même dans Coup de tête, c'est, enfin je sais pas si t'as vu le film, non, Coup de tête avec Patrick Deller. Bah il joue très très mal au foot alors qu'il est censé être un mec qui sait jouer et vraiment tu vois qu'il a jamais joué de sa vie. T'avais ce film qui était fou sur Zidane où ils avaient filmé un match de Zidane avec genre 50 caméras de ouf et tout, et en vrai c'était un match pas si dingue, et du coup ils étaient dégoûtés, c'était genre merde on a filmé, le 0-0, genre il se prend un carton, enfin je sais pas quoi, enfin il y a un truc un peu genre bon bah tant pis, mais ouais le foot c'est très dur à mais filmer. Là je crois que enfin moi j'ai vu une interview où elle disait que elle joue au foot depuis longtemps, bah, elle joue bien et franchement là le foot était pas mal filmé, là c'est déjà beaucoup je trouve. Garance Marie, exactement, voilà, je googlisais son nom exactement comme si quelqu'un on vient de nous envoyer, non, si, on l'a... Oui, la régie, merci la régie, merci. On me fait signe dans l'oreillette. Oh, cela dit, Samuel Etienne, il y a un gars à côté. Oui. Oh, il balance, il balance. C'est info. Non, bon. Fanny, pardon, il y a un truc que t'as aimé récemment. J'ai adoré, j'ai pas encore fini, mais c'est Kunk on Earth sur Netflix. Ah. D'accord. Un truc de faux documentaire où une meuf raconte 100% n'importe quoi. Ok. Et elle est face à des experts, vraiment, qui sont pas des acteurs apparemment, et elle leur pose des questions hyper absurdes. C'est hilarant. D'accord, ok. Kunk on Earth, a British mockumentary. Planète Kunk en français. Eh ben, ça baise un peu Marocco, c'est super. Très bien. C'était ça aussi ? Non, non, mais c'est dans le même style. Mais Adrien ? Je vais pas me gêner. Moi, c'est l'émission, d'ailleurs, tu as participé, l'émission Toast de Monsieur Poulpe sur Twitch. Tout à fait. Avec Joachim Roncin. Ouais. Petit talk show qui paye pas de mine, sympa, à la bonne franquette et qui est cool. Ouais. Donc, voilà. C'est très bien. Sur Twitch, je sais, c'est quand les. Attends, je vais regarder quand c'est même. C'était hier, donc c'est. C'est tous les mardis. Mardis. Avec Vanessa Bria aussi, qui fait une petite chronique. Ce qui est un choix audacieux, le mardi, parce que c'est le même jour que Popcorn. Bah ouais, mais il commence plus tard, non? Il commence à 22h. Comment ça s'arrête? Justement, c'est malin, plutôt bien pensé. Il va se faire raider, le mec. Bah ouais. Il est malin. Il est malin. Donc c'est chouette. Ok. Ouais, très cool. Moi, j'ai adoré faire l'émission. C'était très sympa. Et voilà. Antoine, alors bah moi j'avais, c'est une série, j'avais maté puis j'avais arrêté parce que quand on mate trop d'affilée c'était un peu indigeste, et j'ai repris, et c'était là j'ai maté la saison 4 de Nathan For You. Ah, oh. Qui donne son nom d'ailleurs à Etienne For You. C'est une ref à Nathan Fielder. Oui, c'est ça, Etienne For You, c'est parce qu'il adore Nathan Fielder. C'est gênant. C'est lui qui m'a fait découvrir ce truc. Et dans la saison 4, il y a un épisode, il me semble que c'est le 2 ou le 3. Et à chaque épisode, je fais putain, c'est vraiment un génie de la méta, il est trop fort. Enfin, c'est vraiment. Bon, tu sens qu'ils sont 10 auteurs parce que c'est trop précis à des moments, mais c'est hallucinamment bien fait. Et lui, il est trop fort et tout. Et il y en a un, je spoil vite fait, mais c'est en gros pour présenter la saison 4, il fait Jimmy Fallon. Et en gros, il y a. Chaque star qui passe doit raconter un peu une anecdote un peu marrante, et c'est une anecdote de star, et il va analyser toutes les anecdotes de star, et il va dire je vais créer l'anecdote ultime. Okay. Et comme je peux pas, j'ai pas le droit de mentir sur un plateau, ce serait honteux, il se débrouille pour que cette anecdote lui arrive. Donc c'est une méta complètement absurde où il met en place un truc, mais tu sais, avec du pognon, tu sais, genre il y a des avions, il y a des trucs, c'est débile, il y a un flic, mais ça doit être un vrai flic, enfin c'est. Tout est fou et tu sais où ça va. Et à chaque étape, tu dis, il est trop malin. C'est... Et à la fin, tu vois le truc sur le plateau et tout. Et il a une manière de le raconter. C'est trop drôle avec toujours ce petit ton qu'il a où il dit, et là, j'enchaîne les mots et j'envoie la meilleure anecdote de la télévision américaine et les gens sont soulagés, tu sais, alors qu'en fait, il est giga gênant. Et il est aussi fou que brillant. C'est dur à trouver, je crois, par contre. C'est pas diffusé en France, je crois, sur un diffuseur. Moment, 100% pirate Bay me concernant. Oui. Vraiment, je vous le dis. C'était via un VPN sur HBO, machin, ouais. C'était casse-couille. Tu peux le louer sur Apple TV, c'est mais faut payer. Et bah voilà, c'est nettement plus simple. Hein. Ouais, mais faut payer, quoi, c'est 2 balles, quoi. Y a pas, mais c'est les pas balles dans l'épisode. Un truc de streaming. Hein, 2 balles l'épisode. Bah, je sais pas. Bah, mais, pense, les, hein. Mais je préviens, parce que les enchaînés, au bout d'un moment, c'est un peu indigeste, c'est souvent le même truc. Moi, j'avais maté son autre série, je sais pas, la dernière série, The Rehearsal, et pareil, au bout de 3 épisodes, tu fais, oh, je suis pas bien. C'est quoi le nom? The Rehearsal. Et ben, ah oui, mais il y a que 6 épisodes, ça. Oui, mais quand même. Mais The Rehearsal, c'est pas vraiment. En fait, ça commence. Comme un feuilletonnant, t'as l'impression qu'il va y avoir une aventure par truc, et en fait le truc part en couille parce que c'est alors lui c'est la méta de méta sur la saison parce qu'il s'interroge sur son procédé, sur lui-même et tout, et à la fin il y a un truc hyper mélancolique et tout, enfin c'est particulier, hein. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que moi j'avais fait une petite pause quand même. Je suis plus friand de Eric André, c'est plus débile, tu vois, c'est plus bête dans le côté un peu il chelou, il crie davantage. Ah, j'ai confondu avec Eric Antoine, je me suis dit il crie davantage. C'est vraiment pas c'est la vrai même chose. Eric, non, Eric André, ça manque de tour de magie. Oui, c'est vrai, c'est voilà. Le grand problème avec Eric André. Non, mais parce que là il y a la nouvelle saison du Eric André Show, et du coup j'ai rematé des vieux et je fais putain, ça marche toujours un peu bien sur moi. Quoi. Même quand maintenant il n'y a plus Hannibal Buress qui était vraiment, je trouve, le vrai apport aussi de l'émission, parce qu'il est vraiment trop marrant. Voilà. Dernier petit tour de table avant de vous laisser. Fanny, tu as plein de choses en ce moment à offrir au monde. Enfin, les gens doivent payer, mais il y a plein de choses à offrir au monde. Donnez-moi votre argent. Livre, littérature. Le livre, ouais, bien sûr que Les Poissons Froids qui est dispo partout. Est-ce que tu peux le résumer en quelques mots? C'est jamais un exercice facile, mais. En gros, c'est basé sur un truc vrai qui était que quand j'avais 15 ans, j'ai rencontré un mec sur MSN, Skyblog et tout, et c'était trop cool, on s'est trop bien entendu, on s'est parlé tous les soirs pendant un an et demi, et puis on s'est perdu de vue, puisque MSN a disparu, machin, on s'est perdu de vue. Il était parti manger. Voilà, c'est ça. C'était écrit sur MSN. Pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, je me suis dit, ah, vas-y, je vais le retrouver. Et quand je l'ai googlé, c'était assez chou parce que c'est comme s'il avait jamais existé. Il n'y avait aucune trace de lui, rien du tout. Et j'ai toujours su qu'il mentait sur certaines choses et tout, mais je m'en foutais un peu parce que c'était quand même chouette. Et là, vu que c'était le confinement, j'avais du temps, je me suis dit, quoi qu'il, je le retrouve. Et donc, c'est un peu ce cheminement-là. Génial. Donc voilà. Et autour de ça, ça parle beaucoup de dépression, de deuil et de choses très joyeuses. Oui, c'est ça. Toujours. Hein. Mais toujours un peu marrant. Oui, oui, il y a beaucoup de blagues. C'est ça. Il y a beaucoup de blagues. Trop voilà. Bien. C'est ça. Génial. Et ton spectacle qui est sur MyCanal. Sur Canal, ouais. Ah ouais. Bon anniversaire, Jean. Tout à fait. Et voilà, c'est pas mal déjà, c'est déjà super. Et les gens qui doutent aussi, mais des fois, oui, voilà, n'hésitez pas, ça continue. Et puis vous pouvez écouter les anciens épisodes. Adrien et moi en avons fait un chacun d'ailleurs. Et il y a plein de gens, voilà, des gens que vous avez entendus dans le podcast et qui parlent. Il y a Bril dans 2 semaines. Il y a Alex Kominek dans quelques jours. Génial. Et Fanny, t'as reçu plein de gens. N'hésitez pas même à écouter les anciens épisodes. J'étais au top de mon moral, je crois, quand j'ai fait à l'époque où on a fait notre épisode. Je sens une très légère ironie. Je me souviens que j'étais pas au top de mon pas à cause de l'épisode ça. C'est ce que je fais aux gens, c'est tu, ça. Tu... Non, je pense que tu m'as je dépite voilà, c'est ce qu'on me dit. Fanny Despites qui était ton premier nom de youtubeuse. Ouais. Quand tu t'es lancé, c'était Fanny Despites. Antoine. Bah là, il y a quand même une date énorme qui arrive dans quelques jours. Il y a une date énorme, bien sûr. Comment se passent les répétitions à la nouvelle scène? Écoute, enfin, les rodages, même la répétition. Là, j'ai même plus besoin d'aller voir mon gastro, tout sort tout seul. bah là, on a fait le premier rodage ce week-end. Et il y a des bonnes nouvelles, parce qu'il y a des morceaux qui marchent. Et il y a des très mauvaises nouvelles, à savoir le truc qu'on a mis 3 mois à chier, qui est la conclusion et la fin du spectacle, ouais. marche pas du tout. Ok. Cool, et on a fait un, tu sais, on a fait un Google Form et tout, donc les gens nous donnent un peu leur avis et tout. Et vraiment, ça marche pas. Quand ils le comprennent, c'est trouvent ça prétentieux. Quand ils comprennent pas, ils trouvent ça nul. Enfin, c'est on a complètement raté l'effet qu'on voulait faire. Et les gens. Tous les gens trouvent ça raciste en plus. Qu'ils comprennent ou pas, ils disent je sais pas, mais c'est raciste. En tout cas, ouais. Se peindre le visage était une mauvaise idée. Non, mais les rêves constantes au troisième Reich, visiblement, c'est passé quoi. Ça marche plus. Les gens veulent passer. Mais c'est les gens veulent passer ça. À autre chose. Ouais, bien c'est sûr, ça. Je comprends. Non, et du coup, là, on a une deuxième date demain. Ok. Et on a réécrit une espèce de fin improvisée qu'on va tester demain. Enfin, là, mais c'est là, le stress. Mais là, ça va être d'autant plus vexant si elle marche mieux quoi. Ah, bah, non, mais ça va mieux marcher parce que vraiment. On a enlevé l'effet qu'on voulait. Et enfin bref, c'est voilà. Le seul truc cool, c'est que heureusement qu'on a eu le random pour pouvoir tester un peu nos sketchs. Du coup, il y a pas beaucoup de vannes qui sont au Trianon, enfin qui seront au Trianon qu'on n'a pas testé avant. Il y en a quelques-unes parce qu'elles sont impossibles à faire en comedy club, mais donc on les fera sur scène. Mais il y a attends, pas attends, mais de... très curieuse, quel genre de vanne un est char, impossible. Un char, il y a un char à un moment qui rentre sur scène. Je vais comme Beyoncé. Je vais ah, c'est des trucs visuels, faut pas dire, faut pas dire ici. Non, ici, je vais pas dire pas, c'est pas, pas. Mais ce soir, je vais faire un sketch que en gros, ce soir au parce qu'on joue ce soir au Random puis Comedy Club, Random Comedy Club tous les mercredis, tous les dimanches à Paris. Que vous continuerez après le Trianon d'ailleurs, faut le dire. Avec l'ami Gigi Pop. En tout cas pour le truc on a comme on a le random, on peut s'entraîner, etc. Et donc on y joue ce soir. Et là, ce soir, en fait, il reste des morceaux de vannes qu'on n'a jamais fait. D'accord. Les chutes. Et voilà. Donc je vais enchaîner toutes les chutes. Non, et donc ce soir, je vais faire des trucs effectivement qui ne sont pas testés, qu'on teste vraiment pour le Trianon. Et donc c'est un peu. Bah, t'es là ce soir et tu verras que c'est pas forcément comedy club compatible, mais au random, je pense que ça passe. Ok, ok. Mais voilà. Donc c'est quand même très excitant là, quand même. Il y a un truc de. Là, on commence à arriver dans les trucs où on a. Très peur. Tu vois, quand on commence à évoquer rien que le mot Trianon, tu sais, on a des haut-le-cœurs de oh putain, il y a ça là qui arrive et ça va être, ça va être terrifiant. Mais je vous en faites deux. Ça je trouve ça cool que vous en fassiez deux aussi, ça. Au final, c'est un truc que moi tu je trouve. Tu chies le premier, tu pourras faire non, mais pas le chier, mais en tout cas, des trucs où tu dis bon, ça, ok, on a une deuxième. Enfin, tu vois, moi je sais que ça nous avait vachement déstressé sur la tournée du Floodcast d'en avoir enfin, tu vois, d'en faire plusieurs d'affilée. Tu dis bon, bah voilà, au pire, s'il y en a une qui a un peu moins. Non, mais bien. Après, c'est vrai que le rodage aussi permet vachement de déstresser parce que quand on a fait notre première date, c'était pas du tout parfait, mais il y a des moments qui marchent et c'est vrai que ça veut pas dire que tu vas marcher, mais tu rentres sur scène en disant bon, ça, a priori, ça a déjà marché, ça pourrait, enfin, ça, théoriquement, ça doit remarcher quoi. T'arrives pas avec un truc de. Ouais, statistiquement. Ça va pas être un tunnel. Ouais, c'est ça. Non, mais t'es au milieu, tu sais que t'as des trucs qui marchent et tout quoi. Et au pire, moi je peux chanter en italien sur scène. Il y a aucun problème, je suis dispo, je serai dans le public, je peux monter sur scène, il y a aucun problème. Bah, au lieu d'avoir Fat Man Scoop en musique où tu rentres sur scène, c'est Flo qui. C'est moi qui prends ton de famille et qui le dit avec la voix de Mario et qui la fout sur une chanson italienne. Mais c'est je spoil pas, mais on a composé une musique pour le spectacle. Oh là là. Oh le prince. Par contre, à Moziman en fait. Non, c'était qui vous? Ah non, je confonds avec un autre. Jérémy Chatelain. C'est Jérémy Chatelain. Ouais, c'est Jérémy Chatelain qui fait votre musique. Bah qui a composé la musique de notre spectacle. J'ai dit à tout le monde que c'était Patchy par contre. C'est Patchy pour moi. De Patchy qui a écrit jour 1 de Louane. On bien l'oublie sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Il y a des gens le l'autre. Et il vit de ça. Sûrement. Sans doute. Sûrement. Il y a le gars. Attends, c'est qui c'est et c'est le chanteur de Kyo qui a écrit plein de paroles de Le Roi Soleil. Dans Le Roi Soleil, là, les trois quarts de la comédie musicale, c'est le chanteur de Kyo qui a écrit. Il y a quand même des gros bangers. Bah ouais, bah bien sûr. On est discuté parce que je pense qu'il n'y a plus personne. Et bah chanson, du coup, Adrien, alors. La chanson, il n'y a pas que. Bon, la personne là, à part peut-être. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson. C'est Snoop Dogg. À l'ancienne. Non, c'est Guy Carlier qui a écrit. Ah, mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, bah écoute, voilà, toujours un film qui sort. Ah, j'ai pas trop le droit de dire. Chut, chut, chut. Et sinon, La Bonne toujours Auberge. Toujours pas la loi de le dire parce que c'est dans. Oui, là, va falloir au bout d'un moment peut-être s'activer sur la com. Parce qu'en tout cas, c'est dans moins de 3 mois, on peut dire ça. Donc, parce que le coup de. T'es sur l'affiche. T'es sur l'affiche. J'en sais rien. Je pense pas, en vrai, je pense pas. Y'a ton nom sur l'affiche au moins ou pas? Je ne sais pas. Normalement, y'a Alban Le Noir. Oui, c'est ton pote. Jean Reno, dans les grands noms, oui, Stéphie Selma. Bah ouais. Toi, t'as fait des cascades. Il y a des cascades. Ouais, alors, putain, il y en a une. Bon, je le dis, à un moment, je me prends un coup et je tombe. Donc vraiment, on a fait 10 000 prises où j'avais même une protection dans le dos parce que je tombais sur le sol, quoi. Il n'y a pas de plan large du tout, donc en vrai, juste je quitte. Ah, merde. Donc en vrai, j'aurais vraiment pu tomber sur un matelas. Et en plus, dans les Leroy, on a coupé ta scène de course-poursuite. Donc décidément, ah vraiment, ouais, c'est vraiment où pas je casse le bras d'un mec en faisant un bras de fer. De Charlotte Gainsbourg, la scène où tu pètes le bras de Charlotte Gainsbourg. Bon, bah, c'est... Et le saboté, le cinéma français me sabote. Quand il saute de l'hélico, ouais, bah ouais. Tu l'as pas gardé ça. Non, ça j'ai viré. Bon, bah, ça ralentissait le récit. Bon, bah, très bien. Ouais, oui, la bonne auberge. Là, on arrive à la fin de la saison. Dernier épisode le 16 juillet. Très bien. Donc voilà. Ouais, ça, quasiment ça comme conclure, le podcast hein, d'ailleurs. C'est le podcast, ça. On va s'arrêter pareil début exactement. Juillet pour les grandes vacances. Pour les vacances quoi. Pour les vacances. Ouais, les doigts de pied en éventail. Attends. Bon bah merci tout le monde en tout cas d'être venu. Bah merci. Ciao. C'était une belle énergie. Je vous remercie. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.